Cette émission vous est présentée sous le sceau du CRBO. Le regroupement des comiques recrues boycottés par les Oliviers, fondé par le BOM Intello, afin de préserver la liberté d'expression aux petits comiques que nous sommes. Si certains propos énoncés lors de cette émission parvenaient à froisser vos oreilles puritaines, veuillez cesser d'écouter immédiatement. Pour tout renseignement, adhésion ou demande sur le CRBO, veuillez communiquer avec le BOM Intello, PDG fondateur et membre à vie du CRBO, à l'adresse email lebomintello@hotmail.com. Merci et bonne émission. Don't be inquiète. Très, très excellent. Et vous réussissez à peu près tous vos roulés. Je regarde ça, 12 pieds, bah, ça a l'air à courber vers la gauche, oui, c'est ça. Boop, boop, dans le trou. Deuxième trou. Même chose, boop, courroule. Vous réussissez tous, vous roulez. Puis dans le même match de golf, à part de ça, vous jouez bien, t'sais, vous avez une bonne ronde, vous allez dans le bois seulement une fois. C'est votre coup de départ. Mais ce match-là, c'est vous qui arrive. Il y a un genre d'arbre, là. Il y a 4 arbres de ce côté-là. Un arbre. Il est là, lui, tout seul, comme ça, puis il y a 3-4 genres de corbeaux là-dessus. Pas ce qu'ils font, vraiment, les corbeaux, ça n'a pas rapport à mon histoire. Là, la balle, puis là, l'arbre, les 4 arbres sont avec 23 pieds dans le bois. Frappe l'arbre. Les corbeaux se disent, ben voyons donc, ce qui arrive là, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est un pic bois, qu'est-ce qui se passe? La balle fait quoi? Elle revient en plein centre. Descend du terrain. C'est ce genre de journée-là. Un coup erratique, t'en vas dans le bois, 27 pieds dans le bois. Là. Very serious. Retrouvons Jean Cournoyer et Gérald Larose. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Gérald. Bonjour Jean. Du trouble aujourd'hui? Ah non, un petit oubli tout simplement. Bonne chance. Les éphémérides du 7 mars. En 1849, élection canonique des paroisses Saint-Zotique, Saint-Étienne de Bolton. En 1872, l'élection canonique de la paroisse Saint-Michel de Sherbrooke. 1920, élection canonique de la paroisse du Très-Saint-Sacrement par détachement de celle des Saints-Anges de la Chine. En 1920, c'est l'élection canonique de la paroisse du Très-Saint-Sacrement par détachement de celle de Notre-Dame du Chemin à Québec. 1922, élection canonique de la paroisse Saint-Henri de Taillon au Lac-Saint-Jean. Bon, du trouble aujourd'hui? Ah non, un petit oubli tout simplement. Voilà. Soyez là, ça m'intéresse. Hein? Ça m'intéresse grandement. Vous pouvez me résumer ça, vous êtes pas random. Vous pouvez résumer? Résumez-moi ça. Ça m'intéresse grandement. Ben, mais il y a deux choses. Déjà, le premier plan, c'est qu'il y a les 24 heures du Mans qui se préparent avec Peugeot. Ça, c'est officiel. Ça, c'est officiel. C'est réglé. C'est réglé, mais c'était déjà en place l'année passée, donc c'est juste une continuation. Si vous emportez cette course, vous êtes parmi les uniques qui remportent ben, c'est la raison pour faire cette course. C'est pas une course financière, c'est vraiment parce que c'est une course importante, au même titre que les 500 000 d'Indianapolis ou gagner le championnat de Formule 1. Et vous seriez triple couronné. Oui. Daytona. Et... Ben, Daytona, pas encore, c'est les 500 000 d'Indianapolis. Et le championnat de Champ Car, mais. Mais nous, on veut continuer à gouverner. Les gens, si vous faisiez un sondage dans la salle ce soir, honnêtement, les gens ne souhaitent pas d'élections. Je vous prends au mot. Qui veut des élections ici? Ben, c'est parce qu'on n'a pas vraiment d'autres options. Il n'y en a pas beaucoup. Personne? On veut pas d'élection, on veut la Coupe Stanley. Des vents jusqu'à 70 km/h, donc de la poudrerie évidemment, maximum de moins 9 degrés. Alors tout ça se poursuit la nuit prochaine. Demain, enfin un peu de répit, on a un petit peu de soleil. Ça demeure quand même assez doux et c'est nuageux là, pour la fin de la semaine. Réchauffement climatique, vous dites? Réchauffement climatique, ça n'a pas nécessairement rapport avec la température hiver, au thermomètre. Non, pas cet hiver, je ne crois pas. Merci beaucoup. À tantôt. C'est pas C'est André, c'est en même temps, j'entends bien mal. Je suis dans mon truck, c'est en train de saler l'autoroute. L'année de la colise de neige, j'arrête pas de neiger. Là, il arrête pas là, il arrête pas deux minutes là. Parce qu'il neige là, puis il y a pas grand monde, mettons, le dimanche matin. Hein. Ouais, ça aide. Ben, t'es-tu sais. Fois, je vous écoute, vous êtes tout haut flyé de même, vous autres, ouais? Pas mal tout le temps, ouais. Là, ouais, ben, après, je vais vous écouter. Mais je travaille dans l'une, je vais vous écouter un peu. Y a pas de problème. Ben oui, amenez-en de la calice de neige, on est capable d'en prendre. Oh, les vieux fantômes de CIVL! Hey, bonne journée de la femme, mesdames. Une journée à l'avance, hein? Oh, oh, oui. Wow! Fait chaud en studio. What? Un peu plus chaud qu'il y a dehors, quand même. Puis la cause est même pas encore là. Ben oui, la cause est pas là non plus. Hey, bonsoir! Rock and roll. Bienvenue en direct de nulle part. Vendredi soir, c'est l'heure de déconner un petit peu. Oui, le week-end rock and roll. C'est le week-end de Gaëtan Bacon. Ouais. Ici Gaëtan Bacon. Alors comment ça va, Pat de Batte? Ça va bien, avec une journée de ski... Aujourd'hui, c'est mémorable. Ah, que ça fait du bien. Ça fait quand même une semaine là, que mon équipe est éliminée des séries. Ah oui, quelle histoire. Ça va bien. Là, ouais. Ce qui va moins bien, c'est qu'il reste deux jours de congé à la relâche. Ouais, c'est ça, t'es en relâche, toi. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais. Lâche. Toi aussi, ça allait bien. Hein. Ouais. Et je n'ai profité en masse. On a pelleté en masse. On s'est reposé. Ouais, c'est ça aussi qui est important, là, ouais, c'est de relaxer un petit peu et d'être capable de se remettre de tout ça. On va s'en remettre de ça. On va s'en remettre, peut vous jurer ça. Peut vous jurer ça. Puis lundi, hostie les petits Chris, sont mieux de se tenir tranquille parce que moi, là, je vais être en forme. Tu vas voir, Pat de Batte va tout arracher. Fait que non, je suis pimpant. T'es pimpant, t'es prêt pour une grosse game à soir? Ah, on va y aller fort d'un coin, puis j'ai des beaux dossiers chaud, juteux. Des bonnes pinottes, tu sais. Hein, j'ai amené des bonnes petites pinottes. Ah ouais, des grosses pinottes, la grosse affaire. On y va en grande. Ouais, je me suis parti un petit drink, moi, là, pour crinquer ça. La petite canette, moi, ouais, tout est beau. Ça va bien. Tout est sous contrôle. Alors, bienvenue à cette 22e édition. Ouais. Dans de nulle part. On continue le travail. On lâche pas, on lâche pas. Ce soir, édition tout à fait spéciale. Vous avez remarqué que Mr. T n'est pas en studio. Ben oui, c'est vrai. Ceux qui ont attendu la semaine passée savent ce qui s'est passé. Mr. T est en transition présentement. Il est dans la ville de Québec. Il est en train d'installer son studio B. Là. Dans la ville des neiges. Ouais, la ville des neiges, effectivement. La ville du 400e. Le 400 et on... 400, on ne mâche pas les mots. Non, le 400e centimètre et plus. Et voilà. Donc, on salue Mr. T. Peut-être qu'il écoute à soir, je sais pas. Il y a sûrement, j'ai vu tantôt qu'il était connecté. On va sûrement avoir de ses nouvelles incessamment. On va sûrement lâcher un petit cœur, là. Sûrement. Mr. A, qui était aussi censé peut-être descendre, était supposé le faire, mais a été retenu à la dernière minute par une tempête qui, semblerait-il, s'installe sur le Québec. Peut-être qu'il neigeait juste sur sa maison. C'est possible, ça aussi. C'est son genre, ça. Moi, j'ai dit, Frank, il n'y a pas une crise de centimètres de neige ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est beau, ça fond. Il y en a moins ce soir qu'il y en avait un matin. Ça, c'est vrai. Puis j'ai vu fondre à vue d'œil, moi, sur les pentes. Oh, c'est tapé un plus 7-8 aujourd'hui, là. Ouais. Écoute, il y a des gars qui sciaient le torse nu. Hey, ça, là. J'exagère. Tu des filles, le torse nu, non? Non, mais il y en a une que vraiment j'aurais aimé. T'aurais aimé ça, ouais, ça. Juste en soutien-gorge. C'est correct. C'était solide. Ouais. Mais en tout cas. Mais bon. Peut-être accompagné de ma conjointe. Ouais, ça, c'est un peu tranquille. Allô, Nat. Allô, Nat. Non, elle écoute pas, je pense qu'elle est partie dépenser des sous. Là. Ah ouais, t'es. On va-tu magasiner la coquine? Ah, la petite coquine. Eh ouais. Donc, vous êtes sur XL Tracks en français, sur radiosphère.ca, sur Franco Radio ou en rediffusion sur Tactical FM. Bienvenue chez vous, mesdames, messieurs, pour cette superbe édition. On a encore des sujets brûlants ce soir. Même si on est à court de staff un peu. Ouais. Ça a-tu sonné, je crois que ça sonne. Est-ce qu'on a un sondage ce soir? Ben, je sais pas, hein. Vas-y donc. En direct de nulle part. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Oups, ça sonne. Ça va, messieurs? Oh, c'est Mr. T. Oui. Hey, attends une minute, là, ça marche pas. Ben non, on t'entend bien, nous autres. Ouais. Bon, là, ça devrait marcher. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bon, finalement, ça marche. Comment ça va, Mr. T? Hey, ça va super pour vous autres. Bon, écoute, on est en train de s'installer, là, nous autres, là. Vous êtes en train de vous installer. Ah oui, lentement, mais sûrement. Ouais, ben c'est ça, j'étais en train d'écouter et puis j'ai cru entendre que Mr. A n'est pas descendu à cause d'une tempête. Et voilà. Et oui. De la foutaise. Ben, ça a l'air qu'on annonce un 40-45 cm dans les prochains 24 à 48 heures. Ben effectivement, plus dans les prochains passés 24 à 48 heures. Aha! Si à demain matin, là, on devrait avoir à peu près 5 à 10 cm maximum. Mais à partir du début de soirée demain, l'enfer commence. Ah, tant mieux. Ça veut dire que lundi, peut-être que mon école va être fermée. Exact. Lundi matin, on devrait avoir 37 cm de neige qui vont nous avoir tombé sur la tête. Wow. Ouais, c'est du stock pareil. Il vous reste encore de la place à Québec pour emmagasiner toute cette neige-là quelque part? La rumeur aujourd'hui dans le journal, la ville est en train d'étudier la possibilité de ne plus déneiger les trottoirs. C'est commencé ici à Montréal, là. Ouais. Ouais, parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on a 12 dépôts à neige qui sont pleins. OK. Puis on a 2 réserves qui sont pleines à 85 et 90%. Mm-hmm. Fait que la prochaine option, c'était le fleuve. Ouais, mais c'est ça, là, on est rendu là. Ouais, mais avec toute la merde qu'il y a dans la neige, là, moi, je mettrais pas ça dans le fleuve. Ouais, mais là, tant qu'elle a laissé sa rue, là, il va falloir trouver une solution, là. Ouais, ben, peut-être qu'il arrête qu'il neige un peu. Ouais, peut-être. Ben, comment ça s'est passé, ton déménagement, mais c'est ouais. Okay. Bordel total. Le bordel! Ah, hey, regarde, je vous raconte ça. Ouais. Hein, je vais prendre le temps de vous raconter ça, vas-y, là. Vas-y. OK. J'arrive à Québec. Tout est beau. La route a quand même bien été. J'ai pacté ça assez rapidement le dimanche. Ça a été le bordel. J'ai pas pu me rendre avec le char jusqu'à la game de hockey le dimanche. Fait que j'arrive à Québec. Je monte mon studio. J'ai oublié mon ordinateur dans mon bureau. Dans ton bureau? Oui, j'avais oublié mon ordinateur de production à Montréal. Oh! Mais je suis à Québec. Un petit morceau, là, qui manque. Ben, j'aurais pu oublier n'importe quoi, mais pas ça. Non. C'est j'aurais pu fonctionner avec n'importe quoi, mais là, sans mon ordi, j'ai pas de télé, parce que mon ordi, ma télé est dans l'ordi. J'ai pas mis mon stuff de production, j'ai pas mes samples, j'ai pas ma musique. Je peux même pas faire jouer rien. Ouais. C'est pour ça que ton MSN, il était comme mort cette semaine, là. Ouais, ben là, je suis redescendu mercredi. J'étais supposé revenir ce soir, ben cet après-midi, parce que j'avais un rendez-vous. Finalement, ça a été rapporté à mercredi. Fait que je suis descendu mercredi. J'ai réussi à mettre la main là-dessus. Puis depuis jeudi matin, ben depuis hier matin, finalement, j'ai commencé un entraînement intensif en ce qui concerne le monde de la radio commerciale underground. Oh! Assez weird, merci. Tu fais de la radio commerciale, mais underground. Ouais, c'est quoi ça? C'est-à-dire que une radio commerciale, c'est un peu du genre All right, là, c'est je m'en viens vous pousser vos 6 chansons les plus demandées depuis la diffusion hier soir. Ou ça peut être aussi Ricky D avec des feuilles tellement vieilles qu'ils sont rendues jaunes puis ils connaissent toutes ses astuces de réplique par cœur, tu comprends-tu? Ouais, il y a du monde qui l'appelait Ricky Dick, lui, hein? Ouais, ben crème, il a fait au moins il a fait le même nombre de temps, sinon plus que les grandes gueules à Radio Énergie. Puis sérieusement, c'est vrai. Tes feuilles, man, t'es tellement vieille qu'en était jaune. Ben, quand tu ramasses tes jokes dans le Reader's Digest, tu t'attends pas des miracles non plus. Là. C'est ça, mais quand tu tombes dans le monde de la radio commerciale underground, c'est que t'as un système commercial avec des pauses, avec, mettons, 2 minutes de pause, 3 minutes de pause aux 15 minutes, quota franco-anglo, ouais. Sauf que tu parles de choses comme My Bitter End, Cryptopsy, toutes des bands plus underground, Children of Bottom, à la limite du commercial, là, t'es dans le Testament, Megadeth, Metallica, Pantera. C'est pas vraiment du commercial, mais le style de radio développé est commercial. Okay, mais c'est underground. Bon, fait que là, t'es en plein training, si on comprend bien. C'est cela, oui, j'ai commencé mes cours jeudi après-midi. Puis je vais t'avouer que c'est rock'n'roll, man. Ouais, c'est un monde à découvrir autant que le monde que j'ai découvert avec En Direct de Nulle Part ou que j'ai découvert à CJMC en Gaspésie. C'est ça, c'est des univers bien parallèles, là, ça. Parallèles, mais différents en même temps, là. C'est ça. T'sais, le talk, là, c'est fini sur mon côté. Ah ouais? Ouais, là, ça va être pas mal musical. Fait que même, sérieux, cette semaine... J'ai pratiquement pas suivi l'actualité provinciale. La seule affaire que je sais, c'est que là, Pauline est tombée sur la tête. Ouais, là, elle veut faire le ménage en constitution du PQ. Mm. Ben, quand c'est rendu qu'elle n'est plus pour la souveraineté, mais que pour un projet en 12 étapes, on se demande si c'est pas 12 étapes pour arrêter d'être séparatiste. Puis quand elle est d'accord, quand que Stéphane Dion est d'accord avec elle, ça donne un signe aussi comment est-ce qu'elle peut être dans le champ. Là. C'est louche. Ouais, Stéphane Dion qui est anti popo, là, on s'entend. Oui, mais il m'a avoué que, en tout cas, moi, je comprends plus rien à cette histoire-là. Là. C'est bien beau que le PQ est en train de se moderniser en tant que tel. J'avoue que la cause de la souveraineté, je trouve ça louche, mais je trouve ça aussi intéressant de commencer plutôt à faire des gestes plutôt que de faire des référendums. Ben, mais c'est quoi je disais dans le journal? En tout cas, il disait que c'était comme... Malgré, tu sais, tu perds des... Ah ouais, c'est ça. Elle est comme en train... Elle enlève son gardien à la dernière minute de jeu, mais elle se fait clencher 12-0, là. Ouais, ça ressemble à ça, mais c'est parce qu'elle veut suivre une espèce de mode de sondage, là. Elle a vu ce qui était populaire. Tu sais, tout le monde riait l'année passée, puis il y a 2 ans, de la fameuse histoire de l'autonomiste de l'ADQ. Ouais, tout le monde sont en train de faire la même affaire puis proposer les mêmes idées avec d'autres noms. Tu sais, comme là, elle a sorti son nom, elle aussi, là, c'est... je pense vraiment qu'elle s'appelle je pense que c'est la centralisation de l'indépendance, je sais pas quoi, mais tu sais, c'est juste une question de changer les termes, ça revient à la même affaire, sauf qu'on veut pas donner le crédit à l'ADQ ou à Mario Dumont, fait que là on essaye de faire changer ça, puis en tout cas il y a le congrès. Ils veulent enlever de la tête du monde, dans le fond c'est le maudit référendum dans un premier mandat, là. C'est juste ça, elle veut juste comme le faire enlever pour qu'on puisse l'élire, puis fait ça, toi, la 4e année de son mandat, elle va nous flanquer un référendum, peut-être, probablement comme la veille, une affaire dans même des élections. Il va arriver un fuck, ça va coûter extrêmement cher à la province puis au Canada au complet aussi. Tu vois, ça s'appelle... On va parler de nous autres. Ça s'appelle la conversation nationale, son nouveau buzz, là. Puis elle appelle, au lieu d'être des autonomistes ou des fédéralistes, elle a dit que ça s'appelle des conversionnotistes. Conversionnotistes. En tout cas, elle est allée chercher ça loin en crise. Hey, ça, c'est du André Boisclair tout craché qui invente des mots, là. Des péquistisés et compagnie, là. Bon, oui, Viri Frong, ça, c'est du grand poli. Alors, on va s'amuser avec ça ce soir, d'ailleurs. Il y a aussi Claude Dubois, là, je vais revenir là-dessus aussi, là. Ouais, Dubois, puis moi, je voulais souligner quelque chose. Il y a un moron qui avait répondu à notre sondage, hein, à propos des sénateurs puis des Canadiens. Ouais. Ben, Chris, il a eu raison, le maudit, hein? Ben, wow, c'est pas fini, là. Ouais, non, c'est ben, ça. On a dépassé les sénateurs au classement jusqu'à maintenant, et maintenant, on est rendu égalité avec Pittsburgh. Ouais. Ben, ce soir, par exemple, la première position est en jeu parce que New Jersey est 1-0. C'est 1-0. Ouais, c'est ça, puis c'est le match des femmes à soir. Oh oui, on est en train d'équiper notre kit, on est en train de plugger ça sur le micro. Le match des femmes, c'était dimanche passé. Oh. Non, c'est des femmes. Oui, je le sais, c'est commentaté et analysé par des femmes, c'est pas des femmes qui jouent. Non, ça, ouais, c'est dimanche passé pendant que j'étais pas là. Moi, j'ai entendu t'as manqué. Éliminé, mon petit ben oui. Quoi? Ben oui. Les girls ont été éliminés, man. Ah, c'est malade, là, écoute. Ça a été crève-cœur. Premièrement, c'était pas une série normale là, de 2-3 ou de 3-5 ou un 4-7. C'était un 2-2. OK. Ouais, ça, j'ai jamais vu ça, premièrement. C'est juste dans le hockey féminin, tu vois ça. Okay, le premier match, on a perdu 4-3 en temps réglementaire. OK. Fait que là, ça donne 2 points à l'équipe de Mississauga. Fait que le lendemain, le dimanche, on les a battus 4-1 en temps réglementaire. Ça fait 2-2 chaque barre. Fait que là, il y a eu un 10 minutes de prolongation à 4 contre 4. Ouais. Il n'y a pas eu de but. OK. C'est toujours 2-2, il n'y a pas de points. Ouais, là, on s'en va en shootout. Fait que j'ai envoyé une fille chaque barre jusqu'à 6. Ma sixième, il n'y en a pas une qui a marqué, puis sa sixième, elle a marqué. Aïe, aïe. Ouais. T'étais le premier à shooter? Ouais, on était le premier. Fait que j'ai envoyé la première, elle a manqué. Il a envoyé sa première, elle a manqué comme ça jusqu'à 6. Sa sixième, elle l'a eu. Fait que c'est fini. Aïe, il y avait 300 personnes, c'était fou. Écoute... 300, c'est bon? Ouais, 300, 325. Mississauga, moi, depuis une dizaine d'années, ça fait 8 ans que je suis dans la ligue, puis ce club-là, je les ai jamais vus avec de l'émotion. J'ai jamais vu cette équipe-là crier ou sauter après une victoire. Il avait gagné au championnat canadien, il avait gagné... Et quand j'y voyais gagner les finales de la ligue, puis là, j'ai jamais vu cette équipe-là sauter partout. Dan, tu l'as vu? Il était folle comme la merde. Il était folle, ça a duré quasiment 5 minutes à terre avant qu'on puisse lui donner la main, il criait. Ils ont tellement eu peur de se faire éliminer. Ils ont tellement voulu. Écoute, l'adrénaline a comme lâché une fois que... La première fois que je les ai vus avec de l'émotion comme ça, jamais vu ça. Écoute, c'est l'équipe qui gagne tout le temps depuis année après année. Puis là, ils savaient que ça serait pas facile. C'est non. ça, vous étiez assez menaçante pour pouvoir les déclasser. Puis ce qui est arrivé, je pense, c'est que notre équipe était trop jeune. on manquait un peu d'expérience. L'autre bord, t'avais quand même 8-9 filles là, de l'équipe olympique, puis toutes des filles de 27, 28, 30 ans. Moi, j'ai une moyenne d'âge de 23 ans. Vous êtes un peu comme les pingouins de Pittsburgh, ouais, là, les féminines. Exact, c'est un bon parallèle, sérieusement. Puis ça a apparu vraiment dans le premier match. Ouais. Le premier match qu'on a perdu 4-3, là, tout le monde paniquait, tout le monde s'engueulait, tout le monde essayait de mettre la faute sur qui, puis blablabla, puis je suis allé après les arbitres. Là, j'ai eu un gros meeting avant le match le lendemain. J'ai dit, là, vous avez paniqué. J'ai dit, là, j'ai nommé, il y avait 7 filles qui n'avaient jamais joué un match d'une série dans notre ligue. L'autre équipe, il y en avait 0. Fait que, tu sais, j'ai fait une coupe, je les ai comme fait amener à réaliser qu'on avait paniqué la veille. Ouais. Là, j'ai dit, on revient à notre système, à notre jeu, on se fait confiance. Là, on a tout passé au travers un match de série, on sait c'est quoi. Puis la preuve, on les a plantés 4-1. C'était solide. Regarde, ils ne suivaient même plus. Non, non, non. Les shots, là, ça a fini. Avec le 10 minutes de prolongation, là, on avait 57 shots contre 27. C'est le goaler adverse qui a sauvé le plus. Parce qu'il a gaulé sa tête. Ah, c'était écœurant. On les massacrait. Ce qui arrive souvent aussi dans ce genre de match-là, c'est que le jeu d'équipe s'enlève un peu, puis tout le monde va aller mettre la première puck dans le fond du net. Hein? Surtout dans le 4 contre 4 à 10 minutes, le 10 minutes à 4 contre 4. C'est ça, fait que la première game, c'est probablement ce qui est arrivé, pour ça que tout le monde se pognait, parce que nous autres, dans le junior, c'était ça aussi qui arrivait. Là, les gars en tournoi, c'était celui qui allait mettre la puck le premier, ça se passait pas à puck, c'était des manches de puck, comme on dit. Puis écoute, le premier match a été arbitré, j'ai jamais chiolé contre un arbitre de ma vie. Non, c'est vrai. Non. Mais moi, hier, je chiolais en quête. Okay. Ah, hier, ouais, mais c'est ça, mais écoute ça, bien c'est ça. Samedi, le match de samedi que j'ai perdu 4-3, là, on a un match, c'est 60 minutes. Là. J'ai eu 38 minutes de pénalité. Ta gueule! Ouais, je te jure. Puis l'autre équipe, il y en a eu 36. Vous avez joué à moitié de la game à 4 contre 4? Exact. C'était toujours arrêté à 5 contre 4, à 4 contre 3, à 4 contre 4, à 5 contre 4. Tu perds le tempo dans ce L'arbitre, parce que là, il y avait comme 400 personnes, là, samedi, c'était plein. Full extra. C'était full. Là, l'arbitre, elle s'est dit, moi, là, c'est moi qui fais le show ici. Oh, c'est pas les joueurs, c'est moi. C'est moi, le stand-up, c'est là. Fait qu'elle voulait faire un show. Elle pénalisait des deux bords. Je peux pas y en vouloir. C'est anticipé des deux bords. Mais ça, la game avait pas de beat. Ben non, c'est ça qui arrive. C'est un peu comme la game d'hier, là. La game d'hier, à un moment donné, là, avait tellement de beat que le reste... Il y en avait, mais juste d'un bord. Ouais. Pendant 40 minutes, il y avait que les Coyotes qui avaient du beat. Ouais, hey, Krim, c'est... voyons, c'est pas Commissarek. Alak à la coupe. Non, Alak, laissez-le. Alak va gauler demain. Là. C'est lui qui gaule demain. Oui, tant mieux. C'est quel des défenseurs qui s'est fait donner un coup de bâton en arrière du jeu? Commissarek. C'est ça, c'est Commissarek. Non, c'est celui qui est resté à terre. C'est un attaquant, c'est Plekanec. Ah, ça, c'est Thomas. Ah oui, c'est Thomas. Troisième. Moi, là, sérieusement. Mais ça a créé un nest. Oui, je l'ai vu. Écoute, hier, il y a deux choses qui m'ont déçu vraiment. La première chose, c'est que Wayne, il a pas choisi le bon gardien de but. Il a fait gauler tel quiz, je sais pas pourquoi. C'est Brizgalov, le goaler numéro un. Puis s'ils sont sur le bord de faire les séries, c'est grâce à lui. Je comprends pas pourquoi, c'est la décision 1. Puis deuxième chose que j'ai pas aimé des Coyotes, c'est la frustration en troisième période. Ces deux-là ont joué tout un match. Quand ils ont vu que là, ils étaient sortis du match dans les deux ou trois dernières minutes, là, ils se sont mis à, je sais pas. Non, ça marchait. Là, ça faisait plus leur affaire. Là, c'est le free fall ici. Puis même le capitaine, là, Dome, là, qui regarde, il essayait de frapper tout le monde. C'est pas un exemple. C'est assez violent, pareil. Il y a plein des passes, là, sérieusement, là, dans les premières minutes que les Coyotes auraient dû avoir des punitions, puis ils n'en ont pas eu pantoute. Montréal, ils sont ramassés à 5 contre 3 puis ils ont réussi. Je sais pas comment Price a fait pour s'en sortir hier, là, mais qu'est-ce qu'il devait avoir de la pression sur la tête, man? Ah, il a fait le travail. Pas juste ses épaules, mais sur la tête puis sur tout le dos complet. Wow. Hey, il est rendu 22, man, je vous laisse. Okay. Parfait. C'est quand même votre show, là, ce soir, là. Tu nous rappelleras pareil à chaque semaine, hein, si t'es capable. Ouais, ben, le plus souvent possible, là, sinon, on va aller faire un tour en studio. Je pensais avoir des nouvelles de Mr. A aujourd'hui, me taper un aller-retour, mais bon. Non. Pas encore de nouvelles. Il vient même plus sur MSN. Mr. A, ben c'est ça, il était supposé se rendre à Laval ce matin, puis là, tout a chamboulé, là. OK. À cause de l'histoire de la neige, là, je pense que... Mais il va le regretter parce que, tu vois, il neige même pas encore. Ah non, ici, c'est bien clean, là. On n'a rien, on n'a même pas encore de nuages, nous autres, ici. C'est vraiment, là, demain, à partir de 6h, demain soir, là, la merde va commencer, puis on risque probablement de perdre le téléphone, l'électricité et tout. Mr. A, il a pris de l'avance, je pense. Je le connais, c'est un gars prévoyant. Fait que lui, il doit être déjà en train de pelleter pour se faire de la place pour la neige qui va tomber. Ça. Lui, il prévoit, là. Tu vois? C'est en train de pousser le terrain. Oui, c'est ça qu'il fait, là. ça, c'est du mystery, ça. Hey, fait que là, tu sais, moi, je souhaite un bon show. OK, ça marche, ça. Ciao, là. Ciao, Mr. T. On va mettre même un petit outro pour Mr. T. Bien, on l'a tué, ça. Eh, monsieur, ça y va, hein? Bon, ben, une petite étape de passer. Ben, certainement. On a-tu de la bonne musique? Qu'est-ce qui se passe? Hey, là, ce soir, c'est... Féminin, hein? Oui, journée de femme demain. Ouais. Jean Cournoyer, Gérald Larose, tout le monde fait soi. Et puis, nous autres, ce soir, on a décidé de mettre mettre l'emphase sur les voix de femmes dans la radio et dans le son musical de notre émission. Ça va être des girls, ce soir. Fait que Dan s'est dit, wow. Je me ferais pas damer le pion par RDS. Non. Parce qu'ils ont eu des petites madames qui annoncent les matchs. Qui sont ordinaires, ça va pas. Ouais, en tout cas. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils font pas ça souvent. Non. Comme je te dis, là, ils font pas souvent. Je lève un peu. On lui donne le crédit. Donne le crédit un peu, mais c'est pas élégant. Non. On va essayer de patenter ça pendant la pause pour venir peut-être avec ça. Là, des... Toi aussi, mon Dan, t'as des voix féminines. Ah oui, on n'a que ça. Même jusqu'à la fosse. Là, c'est woman back to back, comme on dit. On part ça d'ailleurs avec quelque chose. Je sais pas si tu la connais, c'est Melissa Offdermore, c'est une Montréalaise. Une ancienne danseuse. Ouais. C'est elle? Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. C'est une bassiste qui jouait un bout de temps avec les Smashing Pumpkins, entre autres. Elle a commencé sa carrière avec Courtney Love. Ok, oui. Eh bien, cute, une belle rookie. Oui, c'est ça. Bien sympathique, avec beaucoup de talent à la hauteur des seins. Oh! Elle a de la personnalité. Elle a beaucoup de personnalité. Okay. Alors, on va aller écouter Melissa qui nous présente Follow the Waves. Alors, suivez-la. Nous autres, on va aller réchauffer à Flaube un peu. Là. Elle roule bien, par exemple, ce soir, sérieusement. Là, ça y va. Fait qu'on vient tantôt, mon père. Yes! Thank you. shuffle his deck clean. Soyez là, là, ça m'intéresse. Hein? Ça m'intéresse grandement. Vous pouvez me résumer ça, vous êtes pas Ron, vous pouvez résumer, résumez-moi ça. Ça m'intéresse grandement. How are you right now, Pauline? Ça dépend des matins. Ça dépend des matins. Oh, es-tu bonne, Pauline? Des fois, c'est avec mon doigt, puis d'autres fois, c'est avec le vibrateur. Ça dépend des matins. Des fois, il est very frank. Des fois, il est very strong. Des fois, il pue. Des fois, il pue. Oh, OK, il est encore trop tôt. Mais non, mais cette émission elle vous est présentée en collaboration avec le CRBO, les comiques recrues boycottés par les Oliviers, qui sont blastés et qui peuvent blaster parce que c'est de l'humour. Hein? C'est des farces qu'on fait, nous autres. On n'est pas sérieux, là, quand non. même. On fait ça, on taquine ceux qu'on aime. Non, c'est pas vrai, parce que sinon, Pauline, je pense qu'on la taquinerait pas souvent. Oh, Pat, t'as amené des dossiers ce oui, soir. Un petit dossier. Un petit grey one. Donc, vous êtes toujours en direct de nulle part, mesdames, messieurs. Hey, juste avant de continuer, mon Pat, je veux qu'on saute un petit peu des éphémérides. On a entendu un petit bout de tantôt. En entrée d'émission, oui. En entrée d'émission. Puis là, on a le sequel, qui est celui-là du 8 mars, qui se trouve être demain. Cournoyer-Larose, qui nous présente encore quelque chose d'extraordinaire. Un peu, je vais fermer ça, on va monter ça. Puis on va mettre... Cournoyer. Thème hallucinant. Pardon. Retrouvons Jean Cournoyer et Gérald Larose. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Gérald. Bonjour, Jean. Les éphémérides du 8 mars. En 1584, les Iroquois s'emparent de 7 canots français transportant 16 000 livres de pelleterie. 1858, élection canonique de la paroisse Saint-Mathieu de Rioux. Bon, en 1878, ça, les du gouverneur Charles-Eugène Boucher de Boucherville par le lieutenant-gouverneur Luc Letellier de Saint-Just. En 1892, le 8 mars, élection générale au Québec. Oh. Comment vous dites ça? Élection générale au Québec. Mais érection, en 1912, élection canonique de la paroisse Saint-Luc de Bellechasse. Et en 2001, Bernard Landry devient premier ministre du Québec et président du Parti québécois. Voilà. Élection générale au Québec. Mais... Ben oui. C'est important, ça. Les érections, ça se peut, c'est une érection générale. Oui. Ça, c'est tout le monde est jacké en même temps. Exact. Ça, dans ce temps-là, c'est beau à voir. Et Christy, donc, c'était nos amis Cournoyer-Larose. Vous savez, nous autres, on trouve que c'est important de propager cette tradition qui a été mise en onde assez cassée pendant au moins un an et demi avant qu'on flushe le show Cournoyer-Larose pour des raisons... obscur. Mais je pense que la capacité d'emmagasiner les plaintes était rendue au quota maximal. Et puis, notre ami Jean Cournoyer, qui a amené l'idée des éphémérides, c'est lui qui est derrière l'histoire de la mémoire du Québec. On sait que c'est un site Internet controversé parce que le nom a été volé il y a quelques années par quelques pirates hackers. Je sais pas si c'est rendu un site de porn ou quelque chose. Oh. Mais ça s'appelle la mémoire du Québec. Fait que c'est important de s'en rappeler de ces érections canoniques-là. Année après année, nous autres, on ressort les tapes et puis on vous fait partager ces superbes moments de radio sympathique. À part de ça, ouais. Et là, Martin Brodeur vient de céder un lancer de Michel Ouellet, un Québécois. C'était de Dan Boy et Jeff Alpern. On essaie-tu de brancher? 1-1 Tampa Bay, New Jersey. Il reste environ 30 secondes à la deuxième période. 24 secondes, précisément. Ah, tu m'as pas qu'on va faire une analyse? Hein? Oui, écoutez bien cette analyse de Madame Douville et Daniel Savageau. Bien sûr, le cavalier. Qui permet aux Devils de reprendre avec 7 secondes à faire. Les Devils. C'est Gionta. Gionta derrière le temps, peut-être le dernier tir, mais finalement c'est là-dessus que va se terminer cette deuxième période. La deuxième période où on aura vu son naturel. Le Lightning est revenu dans le match. Vous auriez dû voir ça le but tantôt, hein? Ah oui. Hey, il y a eu un but! Hey, il y a un but! Là, juste avant d'aller en pause en première période, Madame Savageau a dit « C'est Tampa Bay, New Jersey. » Puis là, on s'en va en pause. Ben oui, garde, c'ti. Mais, comme je disais, ils le font pas souvent. Faut pas, tu sais, c'est facile, non. Là. C'est facile, autres, ben oui. Écoute, j'arrête l'air d'un clown, moi, là. Oh, oui, mettre-la à soir, là. Regarde, puis moi, ça serait pas drôle, là. Imagine-moi. Fait que je lui lève vraiment mon chapeau, là. Non, moi, c'est vraiment. Juste que je trouve ça bizarre, l'histoire qu'on a tassé Pierre Aude hier. D'ailleurs, j'étais en remote avec le BOM puisqu'on s'est fait un espèce de show privé, là, on s'envoyait des petites lines sur MSN, puis on jasait, puis pendant ce temps-là, on écoutait le match canadien, puis on voyait que Yvon prenait la glace, parce que Pierre-Aude était absent. Écoute, ça, c'était mon premier point hein, dans ma chronique de sport. Ouais, on va te le garder, non, on continue, vas-y. Non, mais juste un petit clin d'œil, puis après ça, on revient. Okay. Yvon était absent, pas Yvon, mais Pierre était absent, ouais. On a mis un remplaçant qui s'appelle Luc. Le Luc Gélina. Gélina. Monsieur Sauré. C'est lui qui fait les interviews avec les joueurs. Ah ouais, c'est ça. Qu'il est pas capable de sourire. Oui, c'est un peu naturel. Il force faire un petit sourire à la fin. Ah ouais. Il aime pas sa job. Je sais pas, il est pas nier. Ah non, il a pas de l'air à aimer ça. Vraiment. Peut-être un petit quelque chose dans le derrière aussi. Ah. Ça se peut. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il était là comme sidekick de notre ami Yvon. Yvon prenait. Ouais. Luc était là comme pareux. C'est bon. Yvon était le lead. Il faisait et l'analyse et la description. C'était terrible. Puis là, comme le bas me disait, parce que moi, j'étais parti ça un moment, il a dit à un moment donné, Luc s'est reviré de bord. Il a dit, hey, tu peux pas tout faire. C'est ça. Un moment donné, là, on peut pas, là. Faut splitter, là. Mais Yvon, il voulait rien savoir. Non. Mais de pas entendre Pierre-Aude, moi, c'était du bonbon. Hey, ça, c'était là. Des vacances, ce gars-là. On sentait que c'était pour quelque chose de bien, bien mieux, là. Non, mais c'était quand même 100 fois mieux. Ouais, ah, c'est ça. Ça faisait du bien. En tout cas, on va en reparler tantôt, là, ça, c'est sûr. Avant ça, on voulait vous parler d'un autre petit sujet bien controversé. Vous savez, cette semaine, là, c'est très à la mode, ben, pas juste cette semaine, là, ça fait quelques semaines, sinon au mois, là, que c'est à la mode de parler du français au Québec, hein, ça va mal, le français recule, et on parle plus français dans les compagnies, on peut plus se faire servir en français dans les magasins. Nulle part. À nulle part. Non. Ça, là, c'est rendu bien grave, puis on vous a monté un petit dossier là-dessus, parce qu'il y a des statistiques qui sont sorties de Statistique Canada, entre autres, et puis qui disent à peu près le contraire de tout ce qu'on entend partout dans les spins. Mais là, il y a un ami ici qu'on va parler, c'est M. Claude Dubois, cette semaine, qui a fait une sortie. Claude Dubois, c'est un chanteur, hein, on s'entend qu'il chante dans vie, sauf que là, il a été honoré au Panthéon de la musique canadienne à Toronto cette semaine, le gros show, un gala, puis là, c'est un peu comme nous autres, nos galas, tu sais, il y a une partie hors d'onde, puis t'as une partie qui est diffusée, parce qu'à un moment donné, là, des galas, premièrement, c'est plate, à télé, là, c'est pas écoutable, deuxièmement, ben, c'est tout le temps les mêmes qu'on voit tout le temps. C'est long, c'est pas payant pour les compagnies. Qui veulent financer ça puis mettre de la pub là-dedans. Fait que, tu sais, le monde qui écoute ça sont rares, puis il y en a de moins en moins parce que ça atteint plus personne. Puis tout. Fait que c'est sûr que dans le gala hors onde, on passe bien du stock, puis regarde, CBC qui diffusait le fameux gala du Panthéon faisait un show d'une heure et quart à peu près. Fait que c'est sûr qu'il allait pas passer, Chris, le gala au complet, il a duré au-dessus de 4-5 heures. Tu peux pas... Fait que là, ce qu'ils ont décidé, eux autres, étant donné que c'était à CBC, on s'entend que c'est les CBC anglophones. On va couper là, qui en premier, tu penses? On va mettre les artistes anglophones parce que on le diffuse au Canada anglais. Tu sais, c'est, y a pas une crise de station au Québec qui voulait diffuser le gala. Fait que c'est sûr que, ils ont pas mis, Claude Dubois, ils l'ont pas mis quand il est allé chercher son prix pis son affaire honorifique. Et puis là, il l'a eu dans le derrière pendant une couple de jours, notre ami. Il est revenu de la Guadeloupe en beau sacrement. Il dit, garde bien ça. Deux jours après avoir été honoré à Toronto, Claude Dubois. On dirait qu'il est Claude, c'est pas fort dans le coco, hein. Non. On en connaît quelques-uns des Claude. Quelques-uns, oui. Il dénonce le gala du Panthéon diffusé lundi soir à CBC partout dans le Canada, mais dans lequel il n'y avait aucun artiste francophone. Et puis là, Claude Dubois dit, ce sont des racistes, des anti-francophones et fuck you, Toronto. Ça, c'est intégral. Moi, j'invente rien, je lis ce qui est marqué. Je cite. Okay. Le chanteur revient outré et insulté de son séjour à Toronto où il a été invité à recevoir des plaques honorifiques. Et puis là, il dit qu'il a été très bien reçu là-bas. C'est pas ça le problème. C'est qu'on y a pas vu à la face dans le gala télévisé. Les francophones sont comme une tache pour les anglophones de Toronto. Là, ils l'ont enlevé, mais je pense qu'il voulait dire une tache à marde. Ces gens-là nous haïssent depuis toujours. Il dit, là, moi, j'arrive de Guadeloupe. Là, tu sais, il était tout fier de dire qu'il arrivait de la Guadeloupe. Mais oui, c'est sûr. Là, ce qu'il a pas dit, c'est qu'il a été avec sa blonde de 22 ans puis qu'il est venu d'en face 3-4 fois, mais ça, on le dira pas, avec ça. Avec les seins refaits, le petit qui est à 5000. Oui, tu sais, lui, il a 65 ans, il pourrait être son grand-père, mais c'est pas grave. Il y a du cash. Je débarque avec l'esprit ouvert et la poche vide. J'ai vécu... c'est pas marqué ce bout-là. OK, c'est bon. OK, je m'excuse. J'ai vécu à Toronto me faire dire que ce sont des racistes, des anti-francophones. En plus, ils nous font chier en nous disant que c'est nous qui sommes des racistes, alors qu'on est un peuple accommodant et chaleureux. C'est vrai. Hey, fuck you, Claude Dubois. S'il y en a une gang qui sont un petit peu racistes, là, c'est peut-être les Québécois qui eux autres chient ces Américains à la minute où ce qu'ils sont, où ce qu'ils peuvent, ou qui chialent après tout le monde, ou ben les Français, ou n'importe qui. Écoute, ben, on n'est pas mieux que n'importe qui ailleurs, là. Pas mieux, pas pire. Je pense que là-dessus, là, on aurait pu se garder un peu de retenue. Là, il continue. Les artistes francophones reçus au Parthénon samedi dernier ont été coupés au montage. Bon, ça, c'est ce qui a été dit. Là, il dit, pourquoi qu'on nous amène là-bas si on veut pas nous voir? Pourquoi on nous invite si on nous coupe, puis que, pour nous couper après? Il dit, c'est méprisant, je ne comprends pas leur trip. C'est comme si j'invitais quelqu'un à la maison et que je l'envoyais dans la cave. Écoute, ben, là, regarde, c'est un gars-là qui est envoyé sur les ondes des postes canadiens anglais. Ben oui. Ici, il y a personne qui veut le voir, le gars-là. Claude Dubois, il y a personne qui le connaît, Claude Dubois. Parle-moi de Paul Anka, parle-moi du monde de Rush, tu sais, des bands qui ont marqué, là, tu sais, mais parle-moi pas des affaires de même. Là, il y avait d'autres, il y avait David Foster qui était là. Il y avait Gordon Lightfoot, tu sais, c'est du monde, tu sais, qui ont réalisé des choses dans la vie. Ça prenait du monde pour un peu meubler le gars-là. Ben oui, puis lui, il faisait partie des, tu sais, des petits meubles, là. Des petits meubles, c'est ça, de la table à café. Exact, comme nous autres, là, parallèle bien vite au hockey, quand on fait des camps d'entraînement l'été, puis des fois, j'invite 40 filles, et il y en a 10-12 que c'est juste des chandails que je veux sur la glace pour faire rouler les drills. Ben puis aussi pour ramasser un peu d'argent. Mm-hmm. C'est garde, c'est pas compliqué. Ils sont coupés avant d'embarquer sur la glace. C'est un business. Mais c'est la même chose. C'est la même affaire. Sauf que Claude, il l'a pris personnel. Et là, il dit qu'on a, le Québec, c'est les nègres blancs d'Amérique. Ça, là, j'ai ça entendre ça, cette histoire-là. Ça, là, si tu sais c'est quoi la vie de nègre dans le temps qu'il y avait de l'esclavage pis tout, là, tu peux pas dire ça des nègres blancs. Ça se dit pas, ça. T'as peut-être encore ses effets. Peut-être qu'il y a encore été faire un tour en pharmacie, lui. Oui, il a fait, ce gars-là, là, il a... peut-être pas à jeun, hein, quand il dit ça. Il a fait toutes les espèces de drogues impossibles, là. Il les a toutes faites, là. La chanson Cerveau gelé, là, ceux qui ont déjà entendu cette tune-là. Vous savez en esti de quoi qu'il parlait, là. Ouais, lui, il le savait, en tout cas. Non, lui, ouais, il essayait de s'en souvenir. Il y avait bien de la misère. Grégory Charles a été coupé aussi, mais lui, il prend ça d'une autre façon. Il dit, je comprends leur décision, même s'il dit que, bon, il a trouvé ça un petit peu ordinaire. Il dit, ils ont coupé plein d'affaires parce qu'il y a pas, il y a pas assez de temps d'antenne, puis il faut respecter le temps d'antenne que CBC avait pour ça. Tu sais, on n'est pas commencé à tout couper puis faire comme tout le monde en parle, botter le téléjournal pour passer un gala, là. Surtout un gala plate de même. Là, l'histoire, moi, qui m'écœure un peu là-dedans, c'est que Claude Dubois a vendu 250 000 exemplaires de son album Duo Dubois, qui est dans le fond, c'est un album de best-of, qui a tout été refait, puis en tout cas, il doit avoir un marché pour ça, mais ça me surprend, 250 000, je trouve ça big, pas mal. C'est beaucoup. C'est beaucoup, tu sais, Claude Dubois, au lieu de piquer une colère de même, il aurait pu s'asseoir sur ses milliers de dollars, là, puis dire, bon, ben, c'est pas super, finalement. Parce qu'il a plus perdu à la face que d'autres choses. Ben, je pense que puis oui. De se faire entendre, ça change absolument rien, le discours qu'il a eu. Ben, à non. Part qu'il a de l'air fou. C'est ben, tout. C'est ça, il a l'air d'un chien enragé, puis ben, on ça sait donne pas. Rien, là. On sait pas pourquoi non plus, parce que justement, tu sais... Pense-les. Mais va pas le dire. C'est ça, exactement. Vas-y, sois gentleman un peu devant les médias. Puis en dedans de toi, autour de la table au souper, tu diras ce que tu penses à ta famille, là. Parce que là, on pense tout pour une gang de tweets, hein, là, oui, tu sais. Encore, tu sais. Il y en a un ou deux taupins, là, qui font leurs frais de même, puis là, on arrive, tu sais, puis à chaque fois que tu sors du Québec, tu te fais traiter un peu comme un tata, parce que justement, c'est l'image qu'ils ont de nous autres, ça là. Ils pensent qu'on est tous des colons de même, qui veulent juste passer à la TV, puis tout. Celui qui dit ça, non, ça c'est à Toronto, CBC a dit qu'il présume que parce que le gala télévisé s'adresse à un public anglophone, c'était préférable pour eux de susciter un intérêt en lui présentant des artistes anglophones. Hey, je m'excuse là, mais David Foster puis Rush là, c'est quand la dernière fois qu'ils ont été invités au gala de la disque, tu sais, à quelque part là, tu sais, on peut chialer nous autres aussi là, puis les autres peuvent faire la même affaire là. Tu sais, si tu veux chier de même sur les anglophones, ben regarde nous autres ce qu'on fait ici, puis regarde. C'est pas bien mieux, là. Tu sais, il y a une heure de gala avec de la pub, là. Tu sais, tu peux pas rentrer tout le monde là-dedans, puis tu coupes le plus mauvais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon Claude? Ça a tombé sur toi. Et tu fais partie des plus mauvais. Ouais. C'est tout. C'est bien accepté, mais c'est ça. Ben, c'est ça, regarde. Bon. On veut pas être méchants, nous autres. On veut juste expliquer ce qui s'est passé. On dit les vraies choses. C'est notre but. C'est tout ça. Simplement ça. Alors, un beau fuck you pour toi, mon Claude Dubois. Bien mérité. Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante, là? chante-nous la paix. Alors, retourne en Guadeloupe. Va pogner tes boules, c'est ça, à 22 ans. On va en profiter là, parce que tu sens que la fin arrive. Là, fait que... Mais là, en ballon encore. Là. C'est ça. Cochon. Cochon. on est hardcore. M'excuse, si ça doit être le drink, là. Ouais, ça, t'as peut-être mis un peu trop de vodka dedans, hein? Tu penses-tu? Ah oui, tu commences à... Les kinky un peu. Tu commences à avoir les yeux pétillants, mon âme. Ça se peut, regarde. À soir, là, je suis en feu. Il s'est passé toutes sortes d'affaires, là. On n'a pas fini sur le français, là, juste pour vous dire de même, là... Vous pouvez envoyer des emails de marde aussi, on les prend très bien. Là. Si jamais vous êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, là, c'est très, très, très comprenable. Et puis, regarde, on fera pas une crise d'urticaire là, si vous nous passez pas ou si nous autres, on est capable de prendre la critique sans, sans trop capable. Broncher. Là. Moi, regarde, on est bien capable, puis ça nous fait même plaisir, là, écoutez, là, même que c'est normal qu'on soit pas tous d'accord. Là. Quelque part, là. Ça serait-tu plate, hein? Esti, oui. Ça serait pas vivable, moi, le tout le monde a la même opinion, tout le monde a la même chose. Hey, ça serait l'enfer. Oh non, écoute, ça serait plus drabe encore qu'une game décrite par Pierre et Yvon. Oh. Ça c'est on parle de du bas fond, là, oh. Le fond du baril. Là. Non, c'est ça. C'est de la grosse patente. Aye. Fait que c'était notre petit dossier sur Claude. Good. Passer une toune après ça, je pense qu'on va aller faire des sports. Parfait. Avec moi, je suis prêt. Ouais, tu vas être prêt. Okay. Ouais, monsieur. Il y a des dossiers chauds là qui viennent d'arriver, là. Grabowski qui boude. Hey, ça là. C'est tout chaud de ce matin, là. Va falloir surveiller ça. C'est une grosse histoire encore. Un monsieur qui se pète les bretelles avec un nombre record de 19 matchs dans la LNH. Hey, ça là. C'est tout un vétéran, là, un grand vétéran. Là. Le gars, il est sûr de son talent, hein, pour commencer de même. Ah, en tout cas, on en reparle après à tout le monde. Certainement. Quelles sont fabuleuses. Tu t'es préparé? Ouais. Tu as fait un tune-up? Oui, on a changé le muffler. Okay. On a mis un petit changement d'huile là-dedans. On a installé du lave-vite parce que là, j'étais écœuré, on voyait rien. Ouais, c'est vrai. Là, ça commence la gadoue puis tout ça. Là, fait que non, à roule bien, c'est ensuite, on en profite c'est parce bon. Que je sais pas combien de temps ça va durer, cette histoire-là. On s'en va écouter du Pascal Picard Band. Oh. On continue avec nos voix féminines, une fois de plus. Et on revient après ça. Là, ça va être Pat de Batte qui embarque. Puis notre ami Guillaume aussi qui est en route, qui devrait se pointer d'ici la fin du trip. Fait que on a des beaux sujets encore en banque. Puis qui sait, peut-être un sondage aussi, hein? Léger. On n'est jamais à l'abri. Alors on s'en va écouter ça. Annoying! Parce que notre ami Claude Dubois nous dérange. Alors c'est très annoying. Pascal Picard. On dirait que de nulle part. Vous êtes en stéréo, je pense. Oui. Sinon, ben mettez-vous deux écouteurs, puis ça va être réglé, hein? C'est merveilleux. À tantôt tout le monde. Ignoring that I have had plenty times for a drink. Thirsty watching you and your sweet glass of wine. But haven't you seen the no smoke get inside? Swimming in my sweat, it's so fucking hot in here. Diving on the rocks, you're so fucking hard to reach. Is there a way to get any attention? I hate you. Myself and be the way to see words that wouldn't make sense if you were listening to me. Please, singer, sing us a song we all know by heart, cause we're only open to new radio stuff. And I'm also entirely sure my place is not here. I would gladly enter switching places with you. Charging this girl who's only trying to pay her bills. Fuck you. My heart. she's dead. She's always singing the same song. Sorry if I only know 2000. Do you know this Ben Well Fisher? This is your kind of music. It's so bad if you got nothing else to do but being there 3 days a week. And I hate the way the même pas dans ma vie important, ça. C'est même pas important. Je laisse les choses aller. Tu sais, comme on est bien, là. Imaginez-vous, là, t'assis sur une chaise longue, là. Le soleil plombe, là. T'as une bonne petite bière froide, là. T'es allongé, là. Puis là, tu regardes, là, à l'horizon, là. Puis là, tu sens la petite brise, là. Tu sais, quand t'es bien, là. Mais là, t'es ben, là. Puis c'est comme ça, je me sens ben, là. Je commence pas à me gratter partout, pis t'sais, des l'horticaire, pis t'sais. Rien de ça, là. Je le sens aller, monsieur, je le sens aller. Le seul expert par excellence. Et attention, ça va barder en tabarnouche. Parce que lui, il gratte pas la glace. Il les foire pas à peu près. Que ce soit le printemps, l'été, l'automne, pis l'autre, là, c'est facile pour Patrick Rankin. Au sport, attention, c'est le passage de la Zamboni. Pis ça va barder en hostie. En hostie. Ça va barder en hostie. Merci à notre ami la Gamix. Ah, il fait tout le temps des bons jingles. Sympathique. Ouais. Alors, Pat de Batte de retour. Oui, 5 semaines de suite. Qu'est-ce un petit bige. Oh. Les deux victoires du Canadien contre les Pingouins sur 3, c'est qui est devant le but? C'est Price. C'est Price? Voilà, on va attendre de voir qui sera dans le but jeudi. Ouais. C'est hier jeudi, mon ouais, bijou. Ouais, hier, mon bijou. Gros bijou. Là, comme ça, le bum, il voudrait savoir c'est quoi l'inside avec bijou. Oui, il s'informait. Y a-t-il des histoires de mangeage de graines? Non. Quand même. On va mettre ça au clair. Mais il y a eu des histoires de trip à trois. Oh, mais attention. Ouais. Parce que là, il disait bijou, c'est-tu par rapport bijou de famille, c'est couille? Non. Non, c'est parce que bijou, il est précieux. C'est ça. Mais cas, des tripes à trois. Il pas pour rien qu'il l'aime, José. Arrête, toi. Je te dis. Écoute. ça pop partout, là, mon homme. Oh, my God. Il est peut-être un peu trop de bonheur. T'as ouvert une canne de bine. Il est trop de bonheur. Pour ouais, un petit peu. Hein, il est 9h, ça n'a pas de bon sens. On va faire un petit teaser. Le bon, si t'es là à la fin du show. Ouais, là, on revient. Un petit peu de compter ça. Puis écoute, c'est pas des paroles en l'air, là, c'est sérieux. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, je suis connecté, moi, à Montréal. Hein? Oh oui, oh Pat, il est all dressed, comme on dit. Ouais. Fait que, écoute, on va parler bien vite. Hier, j'ai écouté le match hier soir des Coyotes ouais, contre le Canadien. Et première bonne nouvelle, pas de Pierre Houde. Oui, je savais pas, je l'ai su quand j'ai vu Luc Gilino avec Yvon, tu sais. Finalement, j'ai dit oh, il y a de quoi. Là, j'ai dit celui, c'est Pierre Aude qui est en bas parce que c'est une nouvelle mode, il place un gars en bas entre à côté du banc de punition. Ça, là. J'ai dit, il me semble Aude, c'est pas son genre à accepter ça. Non, il est frileux, il est au-dessus. Puis il est au-dessus exactement, quand il va dans les hôtels, il va toujours être le dernier first en haut. Row. Fait que ça m'a fait du bien, puis là je disais à ma conjointe, hey, ça va être vraiment le fun d'écouter le match, hey, pour une fois. Pis oui, c'était plaisant, mais d'un autre côté, Calic, ils vont. Et ils mangeaient à poc. Ils vont, ouais, hein, ils prenaient trop de place. Ils étaient partout sur la glace. C'est sûr que Luc, je connais Luc, c'est un gars gêné, qui s'imposera pas, puis je pense qu'il était pas à l'aise. Non. Ben, premièrement, first, ils vont, par sa corpulence, il laisse pas grand place pour la deuxième chaise à côté de lui. Il faut qu'il se tasse dans le coin. C'est ça. Parce que là, Luc, il est mal installé pour travailler. Puis là, en plus, t'as lui qui bouffe la glace, comme on n'a jamais vu. C'est ça. Il est content que l'autre soit pas là parce qu'il peut, pour une fois, jaser. Tu comprends? C'est ça. Fait que là, il a vraiment fait, comme dirait le bum, un power trip. Un power trip. Là, j'en profite. Là, j'ai ma chance. Let's go. Puis même, Luc Gilina, tu me l'as fait remarquer. Puis quand tu m'en as parlé tantôt, je pensais pas lors du match. Mais c'est vrai, il a dit, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Là, t'en oublies, tu vas faire des erreurs. Puis j'ai remarqué aussi, C'est arrivé au moins deux fois que Luc Gélina faisait une intervention, les rares interventions qu'il faisait. On y reviendra. Puis Yvon, on y reviendra. Hey. On y reviendra. On y reviendra. Ça, pas. Là. Hey, deux fois, trois. Il y a une fois, ça pourrait aller en pause. C'était correct. Mais deux fois, là, c'est parce que là, Yvon voulait décrire. Là. Hey. Même ici, on fait pas ça. Des fois, on se coupe, là, mais même ici, on va pas jusque-là. Hier, ça a fait du bien de pas entendre le piètre Oud. Ah. Mais... Yvon, je sais pas si à une saison complète, j'aimerais ça. Je peux te le dire tout de suite. Hier, c'est sûr que ça fait bizarre parce que t'as le descripteur du match qui est Yvon Penneau, puis t'as l'analyste à côté qui est Yvon Penneau. Fait que là, ça fait du Yvon en tabarnak. C'est ça, Yvon, là, c'est là, trop. T'sais, il décrit le match, il essaye en tout cas, puis là, il analyse son match, puis là, t'as Luc Chose qui est à côté, puis lui, comme on disait avec le bum hier, il analyse l'analyste. C'est tu comprends? Ça, il donne un commentaire sur le commentaire d'Yvon. C'est le travail d'Yvon, ouais, c'est ça. Hey, c'est bon, fait qu'il en reste plus des ben ben épais, là, à non, Luc. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Puis pauvre Luc, c'est pas quelqu'un qui joue du coup de ben ben. Pourtant, il devrait, là, ouais, tu sais, ben, comme je disais au bum hier, prends ta place, Steve, vas-y, tasse-les. En tout cas. Ils sont faciles à battre, tu sais. Vas-y, là, ils sont faciles à battre. La ligue est pas justement, ils ont peur, justement, de démontrer qu'il y a des gars qui seraient meilleurs qu'eux autres. Fait que là, ils volent tout le show. Ils vont dire, je laisserai pas parler, parce que, tu sais, s'il montre qu'il est meilleur que Pierre ou que moi. Hey, c'est sûr. Mais c'est mesquin, pareil, là. Ils sont comme ça, puis Pierre Aude, il est vraiment comme ça. Oh, moi, vraiment. Juste l'histoire de l'hôtel, là, ça s'en dit long sur le personnage. Et voilà. Je pensais pas qu'ils vont être comme ça, mais hier, il m'a fait réaliser un autre visage. Mais là, tu dis, Yvon, là, penses-tu que pendant tout le long de la saison, 82 matchs, là, ce gars-là, à la fin de la saison, il s'est-tu retenu, tu penses? Parce que tout le long de la saison, il voudrait parler comme hier, là. Mais il doit pas y parler à Pierre en dehors. Il doit pas se parler. Ces deux-là, ils s'aiment pas ensemble. Ils n'ont pas super ensemble, là, c'est sûr. Oh, un petit combat. Un combat ici, là, le deuxième du match. En tout cas, bon, la parenthèse est fermée, on n'en parle plus. Ouais, salut Pietre. Salut Pietre. Mais ça pour dire, c'est ça, pour terminer, pour clore ça, c'est qu'il est pas là encore à soir parce que c'est le match des filles. Oui, exact. Là, ça crée des faux espoirs. Le monde se dit, ça y est, ils sont en train d'échanger. On les passe, Oubliez ça. Yvon, il est en train de, pas Yvon, mais Pierre est en train de soigner une grippe qu'on espère qu'il va être assez longue. Quand même, plus ça peut être une semaine. Plus il est en train d'écouter des vieilles cassettes de matchs que lui analyse ou qu'il commente. S'écouter parce que là, il s'ennuie, là. Oui, c'est sûr qu'il écoute pas le Mais non, ça, c'est sûr, oublie sûr, ça. À soir, il écoute une vieille game des Devils contre... la même affaire hier, il écoutait la game contre les Coyotes de Phoenix, les Canadiens, de 1999. Ou il était avec une gang de chums, puis il fait juste bitcher contre le travail des deux mademoiselles. C'est ça. Il était avec sa femme, là, puis il dit, garde ça comme c'est mauvais, garde ça comme avec l'autre, il parle pas. Pis, là, ça, il va rentrer au bureau lundi, là, ça va être la phase de bœuf. OK. Fait que, non. Gueux, fait dire qu'il s'en vient. Oh, Mr. Gueux. Ouais, il nous écoute. Excellent. Ah, il nous écoute. Bon, ouais. Salut à toi, Gueux. Fait que la plus grosse nouvelle cette semaine, écoute, c'est un ambassadeur du football nous quitte. Brett. Il est pas mort. Non, il est pas mort. Prends sa retraite. Il a pris sa retraite. Il a donné une conférence de presse, écoute, émotive, au bout. Je l'ai pas vu, il pleurait, c'était, écoute, c'était... même moi, qui est pas un amateur de football tant que ça... C'est venu me chercher vraiment, puis c'est un gars là vraiment que tu connais. Tu connais pas le football, mais tu connais lui. Ah non, ça fait 15 ans qu'il est là, exact, sinon plus. Exact, c'est ça. Puis écoute, c'est une nouvelle aux États-Unis, l'enfer, puis cette équipe-là, là, je sais pas ce qu'ils vont faire. Là. Ah non, c'est ça, c'était lui. Il y a plus d'armes, il y a plus rien, un corps arrière, ça se trouve pas en claquant des doigts comme ça. Non, non, parce que t'avais l'expérience, et puis je pense qu'il aurait été bon encore pour au moins une saison. Sûrement. Sinon une coupe, là, tu sais. Un peu comme Chris Chilios, ça devrait. Ah oui, garde. Mais là, je sais pas, les Packers, là, s'ils ont un plan B, ou je sais pas en tout, sûrement qu'ils avaient déjà préparé, il a sûrement pas annoncé la nouvelle comme ça froidement, sans en parler à ses patrons, je dirais 4, 5, 6 mois avant. Là. Non, c'est ça, ça se prépare. En tout cas, j'espère, parce que, mais une chose est sûre, c'est que ça fesse, parce qu'il fait partie des 3-4 plus grands corps arrière, je te dirais, de l'histoire de la NFL. Ah ouais, quand même. Tu sais, Montana, Marino, Brett Favre, c'est les trois, là. Ah non, c'est sûr, c'est gros, puis il y a une grosse fiche aussi, là, tu sais, on s'entend. Mazin. Mais non, moi, écoute, cette nouvelle-là, je ne pourrais pas passer à côté. Non, écoute. Non, mais c'est la une des plus grosses nouvelles qu'il y a eu cette semaine. Qui est tout chaud. Mikhaïl Grabovski. Lui, là, pas fort. Quelle histoire. Lui, là, ça faisait quoi, 4 ou 5 matchs, il était rappelé des mineurs. Ça fait 19 matchs qu'il joue dans la Ligue nationale. On s'entend que c'est une verte recrue, encore le nombril vert. Ah, première saison, là. Hey, il a rien prouvé, il a rien fait. Lui, là, m'a donné tout de suite ce qui me fait penser à qui. M'a donné tout de suite, là. Right now. Ça, là, c'est le Pierre Sévigny, ouais. Mais européen. Européen. Exact. Lui, là, Mais ben, Pierre Sévigny, il était pas de même, par exemple. Non, non, caractère. Mais je parle joueur de hockey. Ouais. Lui, il est trop fort pour la Ligue américaine. Grabowski, mais il sera jamais assez fort pour être un joueur de la Ligue nationale. Régulier. Dominant quand on parle des deux ou trois premières lignes. C'est un gars de quatrième ligne, point à la Ligue. Puis lui, il accepte pas ça, là. Tu vois tout de suite avec ce qu'il a fait hier, là. C'est ridicule. Ben là, il sort avec son gérant, en plus. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est arrivé, là, hier, lui. Il a pas pris ça pantoute que le coach décide de pas l'habiller puis qu'il habille dans Dandonneau jeudi soir à Phoenix. Fait que, eux autres, après le match, ils partaient tout de suite pour Los Angeles. Lui, il a dit, non, moi, je prends pas l'avion. Il a comme boudé un signe de il s'est pas présenté. Puis il s'est présenté ce matin. Il est arrivé à 9h ou 10h le matin avec son agent, puis un meeting avec Bob Gainey puis Guy Carbonneau, un matin, là, à Los Angeles. J'espère. Hey. Bob était là, mais lui, Bob, était en conference call. Ouais, c'est ça, ouais, conference call. Bob, Guy, l'agent de Grabowski, qui sûrement qui voulait dire, là, moi, ça marche pas, mon client, Lui, ça va faire comme, ça va faire comme l'autre, le Perezogin. Ok, je pensais que t'allais dire Claude Dubois. Non, non. Mais Perezogin, là, d'après moi, ils se tenaient ensemble, eux autres, dans les ça se peut, bon. Il va aller leur rejoindre, là. Ben, c'est sûr qu'il va arriver, check bien, hein. Fait que là, bon, il joue pas, c'est pas, il joue pas demain. Non. Ça, c'est sûr, puis il jouera pas dimanche. Non plus. Ça, c'est officiel, je vous le dis. Son voyage est terminé. Ouais, c'est ça. Puis c'est bien dommage que la date limite des transactions soit passée. Parce que lui, il aurait été dans le package en STI avec lui, bon, on vous l'envoie lui ici en douce. Mais bon, ils disent que aucune mesure disciplinaire ont été prises. Bon, on verra. Ça là-dessus sont lousses un peu. Soit qu'ils sont lousses, anyway, c'est pas grave parce qu'ils prennent pas de mesures, ça fait pas trop couler d'angle. Puis le gars il jouera pas anyway, l'équipe gang là, ils ont pas besoin. Mais non. Fait que regarde, sa mesure disciplinaire là, c'est qu'il se réveillera pas cette année. À moins qu'il y ait 4 blessés. Ah, ça va être moi, bien mérité. Que, bah, oui, exactement. Hier, le beau Wayne Gretzky. Ben oui. Il a pas arrêté de la soirée de lancer des fleurs à Guy Carbonneau. Tiens, en veux-tu? Hein? À Alex Kovalev, le meilleur joueur de la ligue. Écoute, on va lui donner le heart. Donne-nous le Vézina, c'est n'importe quoi. Oui, donc, mais oui, le Maurice Richard. Tout, donne-y tout, là. Là, c'était les fleurs sont bons, sont beaux, sont fins, le meilleur coach de la ligue. Comment tu fais pour avoir un si bon power play? Là, c'est incroyable. Là, il part. Premièrement, Wayne, là, concentre-toi sur ta game, t'as une game à gagner. Quand j'ai vu les 40, premièrement, là, quand j'ai vu le gardien, j'ai dit, bon, il part de croche. Oh, ouais. Pourquoi qu'il a pas mis le goaler, son goaler numéro 1? Oui. Chris, il affronte le premier de l'Ouest, de l'Est, puis il venait de battre la veille Anaheim, là. Dallas, il venait de battre Dallas. Puis il se bat, lui, là, pour la place des séries. C'est ça. Puis son goaler, là, il est allé le chercher parce qu'il avait besoin d'un gardien numéro 1, puis c'est grâce à lui qu'ils sont sur le bord de faire les séries. Je m'excuse, première erreur. Après ça, tu regardes le match, tabarouette, il les a bien préparés. Ils ont sorti fort, là, il était trop fort. Alors, le Canadien, dominant. Pendant 40 minutes, c'était incroyable. Je te dis, là, c'était fou. Puis, ce que j'ai pas aimé, c'est la fin de game. Quand les Canadiens ont repris les devants, puis ils ont eu deux bonnes attaques, parce que je veux pas, le Phoenix, ils ont ouvert le jeu un peu. Là, ils se sont mis à vouloir frapper tout le monde. Vouloir donner des petits cheap shots, des coups de bâton. Bon, non, ça, là, ça... Tu sais, la game est finie, là. Il reste deux minutes, là. C'est 4-2. Là, arrête. Ça, je peux pas croire que ça vient de Wayne, ça. Non, mais il a pas le contrôle. Non. Fait que je suis déçu de son choix de gardien. OK. Wow, puis je suis déçu de... Il y a pas plus de contrôle que ça sur son capitaine. Non, c'est ça. Son capitaine courait après tout le monde, puis... C'est lui qui a donné le ton. Petite... Ouais, puis... Non, ça, Wayne, il me déçoit, là. Sérieusement, là. Non, il y a pas pourtant, de contrôle. Son année est pas mal meilleure que sa première. Ah, mais hein? Il s'améliore. Un peu comme la même affaire pour Carbo, là. Cette année, comparé à l'année passée, ben, on parle pas de la même affaire, là. Mais je suis déçu... Parce que tout était parfait jusqu'à temps que là, la game est perdue. Ouais, il reste comme deux minutes, c'est 4-1, là, il laisse aller ses gars, là, faites les caves, là. Ben voyons donc. Non, non, c'est jusqu'à la fin, il faut-tu te battre, là. C'est ça. Puis tu sais, les Canadiens sont chanceux. À toutes les fois qu'ils affrontent une équipe, le goaler numéro un goal pas. Le gros joueur, il est blessé. Deux matchs en ligne. Dimanche, il affronte les Ducks. Qui s'est blessé hier? Corey Perry, un des meilleurs attaquants des Ducks. Coupure profonde au niveau de la jambe. Il manque 6 semaines de jeu. 6 semaines, ça l'amène quasiment à la fin de la saison. Ouais, c'est ça. Ah, la saison, ouais, puis il va arriver pour le début des séries. Ouais, c'est encore s'il est prêt. Là, mais parce que... vous remarquerez ça, à chaque fois le Canadien affronte une équipe. Il arrive de quoi avant? Souvent, Alfredson joue pas, Hitler joue pas. Là, il affronte une autre équipe. Ah, le gardien numéro un, goal pool, décision du coach. Même affaire. Pittsburgh aussi, c'est ça. Il affronte Pittsburgh, Crosby est pas là, on fait goaler Sabourin. Tizoune, c'est ça. Mais tout le temps, ils sont chanceux comme ça, fait que ça se poursuit. Qu'est-ce que je te dis? Ben écoute, moi je dis, faut que le Canadien quand même en profite pendant ce temps-là, parce que c'est vrai que le sport professionnel, ouais, t'as le talent pis tout, t'as un peu de chance aussi qui se mêle à ça. Pour, pour te rendre jusqu'au bout, ça te prend un peu de ça aussi. Et je l'ai vu dimanche. Sauf que, ouais, tu l'as vu dimanche, effectivement. Ça prend de la chance. Ça prend un peu moi, de chance. Moi, j'en ai pas eu la fin de semaine. Pis ça prend pas que ça, on s'entend non, que, non, non, non, tu sais, ça non, prend non. une base. Tout. Mais si la chance est pas au rendez-vous, même si ton club, il est top exact, notch, exact. Tout est prêt. C'est ça. Il manque une petite patente, une petite étincelle. C'est ça. Le Canadien, lui, est pas top notch. Mais il y a une très bonne équipe, ça va bien, bien dirigé. Les jeunes. Bonne équipe, l'équipe, tout ça. Puis ils ont de la chance. Ouais. Ils l'ont en masse. Bob, il a la main chanceuse aussi. Ah, là, on peut le dire, là. Oh, Bob, il a la main chanceuse. Pas à peu près, là. T'sais. Mais c'est au-delà de mes espérances. Canadien au premier rang, j'aurais jamais cru ça. Non, moi non plus, là. Regarde, j'ai mis sixième au début de l'année. Ouais. Je maintiens encore parce oui. que ça peut baisser écoute, assez vite. Deux, trois défaites, ils sont cinq, sixième. Écoute, Ottawa gagne deux games, c'est fini, là. Sauf que s'ils font s'ils continuent de même, qu'ils font les séries, je pense que c'est objectif atteint. C'est sûr que le monde aimerait ça que ça se rende loin des séries. Il faudra pas paniquer non plus. Mm. Mais une fois que t'es dans les séries, je me dis, en tout cas, dans l'Est, tout est possible. Ouais. Après ça, dans l'Ouest, Chris, au moins, si tu te rends en demi ou en finale, regarde, c'est déjà ça. Là. Ça donne l'expérience pour l'année prochaine et les années à venir. Parce qu'on ça, sent, le Canadien sont sur le bord d'aboutir. Ouais, c'est pas tout à fait prêt, ça mijote. Ouais. T'sais, c'est comme une bonne soupe chunky. Là. Ouais. C'est en train de mijoter. Dans quelques morceaux. Ouais, deux ou trois petits morceaux, mais ça un mijote. Un petit, petite pincée de sel. On est à un ingrédient ou deux près. Et un peu de poivre en grain. L'expérience. C'est ça qui manque exactement c'est comme ça. Mon équipe. C'est un beau parallèle. Ah oui, c'est ça. C'est un peu ça qui me manquait. C'est un aussi. Peu ça. T'sais. On parle plus du hockey, mais on reste un peu proche parent. Là. Georges Gillette, cette semaine. Oh, grosse ouais. nouvelle. Hein. Hey, oui. Il est sur le bord de vendre ses parts de son équipe de soccer de Liverpool. Les chèques arabes qui veulent acheter ça, je ouais, pense. Hein? T'avais entendu parler de ça ouais. cette semaine? Oui, j'ai vu ça un peu. Hein. Est-ce que t'as entendu parler de... Monsieur X? Non, mais... Ouais, Monsieur X, on s'en fout, là. Mais de la marge de profit qu'il peut faire? J'ai entendu que c'était une affaire de 40 millions, c'est ça? Ben, plus que ça. Plus que ça? 150 millions. Ouais, mais ça, c'est à deux, ça. Oui. C'est sa part? OK, oui. c'est ça. Oui, parce que lui, il a 49%. C'est du stock. Non, mais lui... Il tout, crée ce en période, tout ce qui touche, ça se transforme en il a acheté le Canadien pour rien. Ah, Pinot, ben, même, oui. ça a été de l'argent prêté. Eh oui, par la caisse de dépôt. Puis là, il s'est mis million, il s'est mis au monde. Mais oui, là, il s'est fait donner le building. Mais oui, donner. Et lui, là, je m'excuse, mais s'il me lâche un coup de fil pour que j'embarque avec lui dans une prochaine investissement. Ah oh, oui, buddy. J'embarque. Oh, c'est sûr, sûr. Comment sûr. Tu veux? 20 piastres, 50 piastres? J'embarque, je garde, j'hypothèque tout, là. Même mes boxeurs. Ah non, il connaît ça. Il est l'enfer. C'est un gars aussi qu'il faut le dire, c'est un homme d'affaires averti. Oui. Il avait travaillé beaucoup là dans le monde des affaires avant. Oui, c'est ça. Puis il a fait deux faillites aussi, tu sais. Puis il est remonté, c'est ça. C'est bien beau faire des faillites, mais quand que l'homme d'affaires revient et puis il est capable de se rebuilder encore puis se refaire une fortune, la reperdre puis la refaire encore, je m'excuse, mais le gars il a beau faire des faillites, il a quand même un talent quelque part. C'est ça. Il connaît la business là. Puis tu vois, Gillette. Ben moi ça me fait chier un peu parce que j'ai pas encore digéré le fait que ce soit une en fait un Américain, pas que je suis anti-américain, non mais c'est un Américain qui achète le produit. C'est ça, c'est une institution québécois. Là, tu sais, ouais, ça aurait été Ottawa, ça aurait été pour moi moins pire ou tu sais à rigueur même Vancouver, c'est des clubs qui ils ont une certaine histoire, pas autant que le Toronto puis Montréal non. qui je pense aurait dû rester dans les intérêts canadiens. Mais Chris, ça, je l'ai pas catché, l'histoire que Molson a voulu vendre à un très non mauvais plus. Moment. Non, c'est ça. Il aurait dû pas. Attendre au moins de voir la fin, savoir ce que les négociations allaient donner. Il savait que ça s'en venait. Ben oui. Puis la deuxième chose, c'est je comprends pas qu'il n'y ait pas une compagnie qui ait voulu embarquer là-dedans. Aucune, hein? Aucune. Moi non plus, ça me rend pas. Puis là, c'est bien sûr l'histoire du cap salarial, mais tout le monde savait que ça allait venir parce que c'était incontournable. Hey, je l'avais collé, t'en souviens-tu? Oh, un ouais. et demi d'avance, moi, j'avais à CIBL. T'avais même sorti les montants. J'avais dit, ça va être autour de ça. Ben oui, j'avais tout dit ça. Puis écoute, c'est arrivé, je te dirais, à quoi? À 80% de ce qu'on avait à dit. À peu près. Un an après, un an et demi après. Fait qu'il aurait dû t'appeler, ben écoute. Au lieu d'appeler George. Mais non, mais c'est ça. Il pense pas à moi jamais. Puis là, en parlant des clubs, tout ça, ça a l'air qu'à Québec, plus ça va, plus ça s'enligne. Là, il y a des consortiums qui se préparent. Ça brasse. Il y a des grosses poches qui se préparaient à essayer d'amener un club à Québec, puis Christy, que ça serait le fun. Ben moi, je suis un Thomas. Hein. Ouais, toi, tu y crois pas. Je pense que c'est notre Mr. A. Oui, monsieur. Je vais mettre un petit astérix ici. Ouais. Justement, je suis rendu au circuit avec l'astérix. Un petit bookmark. Oui, en direct de nulle part. Oui, bonjour, j'appelle pour un sondage. Ah, oui, encore. Qu'est-ce que tu veux, ton sondage? Ben, j'ai quelques questions à vous poser. Oui. Passablement, moyennement. Alors, vous êtes la femme de la maison? Oui, monsieur. Comment ça va, les garçons? Hey, ça va, Frank. Mr. A qui est avec nous. Yeah! Oh, comment ça va, Pat? The Pat? Top shape. Top shape? Non, la semaine de relâche, écoute, j'ai mis du gaz dans la canisse. T'es en semaine de relâche, mon petit calé. Ouais, c'est fini aujourd'hui, pas mal. Ouais, ben, c'est une belle semaine, par exemple, hein. Ici, nous autres, à Québec, c'est une semaine de cul. Une semaine de la neige. Okay. Ouais, la neige. On a eu un record d'absence à mon travail. Es-tu sérieux? Ouais, 32 absents dans la même soirée. Ah, il tolère ça, de l'absentéisme à votre travail? Ben, à cause de la tempête, oui. Les gars, t'as pas grave de sortir de chez eux. Ouais, mais c'est pas une raison. Ça, tu lui dis, les gars, voulez-vous travailler ou voulez-vous pelleter, là? Choisissez. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Toi, t'as choisi appel au lieu de venir nous voir à soir. Ouais. Ouais, ben, écoute, nous autres, c'est assez intense, tu sais, quand il neige, je vais dire, le coin où je reste, là, comme j'expliquais à Dan cet après-midi, quand il y a des grosses tempêtes, le village, moi, il est au centre de trois autres villages. Okay? Ça ferme. Puis les trois routes ferment. Fait que t'es comme pris tout seul chez vous. Ouais. Fait que, c'est plus ordinaire, un peu. On est sur le bord du fleuve, hein. Tu vois, est-ce que le fleuve commence à élargir, là, dans le coin de Québec. Fait que, c'est pas drôle. Ben, comme j'ai dit à Frank, tu sais, c'est le temps, là, d'élever les impôts, là. Tu sais, c'est bien beau, la gratuité, là, mais m'amener, il va falloir en payer de l'impôt si on veut du service. Ouais, mais même, je peux te dire qu'il y a des déneigeuses qui restent pris dans les routes, là, ici. Ouais. Non, c'est pas des farces, là. Écoute, il y a des bancs de neige, là. Je sais plus quoi faire. Je pense qu'on va l'envoyer au Biafra, quelque chose en Afrique. Mais là, va te chercher, je sais pas, une caisse de lettres, des enveloppes, mets de la neige là-dedans, puis chip ça. Ouais, ben, je pense que c'est ça que je vais faire, là. C'est la plus belle. Je vais mettre m'acheter une petite canisse de gaz, je vais mettre le feu là-dedans. Ah oui, hein? Pas fou, ça. Comme brûler des feuilles. Ah oui. C'est la même affaire. On va voir. Puis, il a passé ça comme vous autres, comment ça va? Écoute, c'est un feu roulant, là. On était justement en train de parler de ce qui se passait avec nos Canadiens. Ben, j'écoutais un petit peu l'émission, on parlait de Grabowski. Ben, quel joueur. Quel joueur d'équipe. À date, là, quand même. Mais ça, là. De voir ses stats, hein, 19 matchs dans la Ligue nationale. C'est ça que je disais, mais oui. Il a un but, trois passes. Il est où, hein? Le gars, il joue pour .21. Exact. Mais, un joueur d'impact. Mais je savais pas que c'était un petit bout, ça. Ah oui. 5 pieds 9, 172. Tout petit, ben oui. Ben oui. Tout petit, puis lui, il pense, il veut faire sa place, fait qu'il joue du coude, puis il se dit, je prendrai pas l'avion, ils vont peut-être pas remarquer à 5 pieds 9, ils vont peut-être pas voir, je suis pas là, tu sais. Ouais, non, ouais. Ça, c'est la nouvelle génération, Frank. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, puis Dan aussi. La nouvelle génération de jeunes qui arrivent, là, tu sais, tout est facile, tout est usé. C'est comme ça un peu dans les écoles secondaires. Oh, ouais, c'est ça. On dirait que c'est cette génération-là là, qui arrive. Ouais. En tout cas, ça me donne l'impression. Non, j'avoue. Puis, remarquez, aussi, c'est ça, la génération-là. Ben là, il y a quel âge, le petit Grabowski? Ben, il y a quoi, il y a 24 ans. C'est ça, il est dans ce gang-là. Faites le test, si vous allez dans une épicerie, n'importe où, dans un restaurant, on se fait servir comme de la merde. Oh oui, ouais, c'est non, c'est vrai, c'est tous des jeunes de 20, 22 ans. J'ai juste 31 ans, là, je veux dire, mais quand même, il y a une notion de politesse qu'il faut que tu ailles avec la clientèle. C'est ça. Je trouve que les jeunes aujourd'hui, les jeunes, ça a pu écrire. C'est ça, puis... Les vieux prennent trop de pelules. Oui, exactement. Déjà, nous autres, on était impolis, puis on se trouvait impolis. Ah, c'est ça. Là, c'est rien. Ouais. Ah non, c'est vraiment pas drôle. Puis d'ailleurs, Pat, en parlant de hockey aussi, j'aimerais ça que quand même que tu pas que tu t'excuses, mais que tu dises publiquement en ondes, François, écoute, t'avais raison, le petit Price, il est à Montréal pour rester. Oh. Vas-y, Pat, je t'écoute. François, t'as vraiment eu du flair en début de saison parce que Carey est avec le Canadien pour y rester et pour longtemps. Ben merci. Puis Pat, venant quelqu'un comme toi qui est un expert en hockey. Écoute, c'était, ouais. Je peux pas savoir à quel point, moi, ce petit bout de texte que tu viens de dire là, à toutes les fois, je vais partir mon ordinateur, je pense, là, ça va être ça qui va partir. Puis tu sais comment j'ai de l'affection pour le Canadien aussi. En plus, hein, c'est ça. Moi, c'est difficile. Je suis gagnant des deux bords, là. Hey, Frank, tu savais ça que t'étais pas mal, sa même coche que Bijou Rinfret concernant Carey Price? Comment ça? Ben, je te fais écouter ça. T'as vraiment pensé que Price nous amènera en finale de l'Est? On verra. Moi, je pense que c'est Rinfret. Soyons calmes. Moi, je pense qu'il va être deux. Soyons calmes. C'est ça que tu nous as dit en dehors des ondes. Oh. Écoute, je ne serais pas du tout étonné que Price soit la grande vedette du Canadien dans les séries. Oh, quand même. Puis qu'il nous amène assez loin. Oh. Je ne serais pas étonné du tout. Oui, mais même après le match de ce soir, tu penses jamais arriver à personne. Tu n'aurais pas dit que Huet était faible, c'est toi au premier but ce soir? De Price. De Price? Non. Bergy est encore bien pacté. Tu veux dire que Huet, il était. Non, mais écoutez, j'avoue que. Ben moi, c'est parce que Price, je suis un peu vendu parce que je l'ai pris dans mon bidon. Dans ton pot, je le sais. Exactement. Puis, tu sais, je le garde parce qu'il y a plus de valeur. Ah, c'est mais, vrai. Est-ce que c'est le sauveur du Canadien? Ben là, non. La question se pose, mais je pense qu'elle ne se répond pas aussi facilement. Regarde, moi et le bum, on est tout seul et solidaire pour dire que Halak va surprendre bien du monde d'ici la fin de la saison. Ouais, ben là, d'après moi, demain, il devrait jouer contre... c'est officiel, c'est Halak qui dole demain. C'est Halak qui joue. Demain après-midi, c'est Halak contre Los Angeles. Okay. OK. Ça va être éclatant, tu vas voir. Ouais, non, mais c'est bon, regarde, c'est pas mauvais aussi. Le Price, il faut lui donner un peu de repos, déjà qu'il y a eu un coup de soleil sur le nez. Ah ouais, ça part bien. Ouais, mais aussi, il y en a eu un dans le cou à sa nausée. Exactement. La petite lumière rouge, elle a allumé quand même 6 fois. Ouais. Ouais, ça nous rappelle la belle époque de... Comment il s'appelait? Le André de Red Light Ratico. Exactement. Exactement. Red Light. Ben, ça prend deux choses, en ce fond. Hein, pour, si on regarde les goalers qui sont dominants présentement dans la Ligue nationale, ça prend, oui, un talent, ça c'est indéniable. On ne peut pas l'enlever. On pense, c'est évident que Price l'a quand même. Ouais, le calme et le talent, ça. La seule chose qui manque maintenant, c'est de l'expérience. C'est ça. C'est en plein ça. C'est évident que ce gars-là, ça va être un goaler d'avenir. Dominant. Est-ce que cette année, il va être capable de percer tant que ça? Peut-être pas les années jusqu'au bout. À cause de manque d'expérience. Écoute, c'est quand même un jeune qui a... Il y a quand même pas mal de bagages en arrière de lui. Oui, mais l'équipe, c'est juste que les séries de la Ligue nationale, c'est une autre histoire. Ben oui. Il y a des grosses équipes. Puis ce que je veux dire, c'est pas juste Price, là. Ça prend une équipe en avant tout. Puis ils ont juste une ligne qui fonctionne. Ouais. Sans série, ça sera pas assez. C'est ça qui va être. Oui, mais les Canadiens ont quoi? Il y a 7 joueurs de plus que 40 points. Oui, c'est vrai, par exemple. Tu sais, c'est quand même. C'est vrai. Il y a des défenseurs là-dedans. Il n'y a pas une autre équipe dans la nationale qui a ça présentement. Là. Non, mais ils ont Sakou comme capitaine, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Non. Ben, tant qu'il est de bonne humeur, c'est pas pire. Ouais, si tu mets à boquer, ça va être l'enfer. Le petit Sakou, s'il pogne pas trop de deux, là, il est fort. C'est ça, hein, son problème. Des petites pénalités, des petits coups de bâton, puis. Il joue sur moi, un petit hypocrite. Hein, tout le temps, un petit hypocrite. Comme l'expression le dit, il joue nasty, le petit Sakou. Ouais, c'est ça. Il want to play dirty, mon sacrement. Mon sacoument. Sacoument. Ouais. Ah, ben, écoutez, je sais pas. Il n'y a pas personne qui mettait le Canadien en tête de ses, tête de leur division. Ben là, je pense que c'est Pittsburgh, ils ont peut-être dépassé ou sont venus en tête. Ouais, ben New Jersey, s'ils gagnent à soir, Pittsburgh est égal. Mais ça, on s'entend qu'être quand Ottawa, t'as une game. Ottawa gagne une game, puis Canadien tombe cinquième. On s'entend qu'être dans les trois, présentement, les trois premiers dans l'Est, c'est quand même quelque chose. Ben même un top 5. Même s'il finit 5 ou 6. Là, ouais, c'est mission accomplie. Dans tout le gratin sportif de Montréal qu'ils avaient mis en série, puis c'est Pietre Houde. Oh! Toutes les Jean Perron. Mais toutes les autres que j'ai dans ma revue, en tout cas, le Hockey de Magazine, ils avaient toutes mis 11, 9, 13, 7, Danny Dubé, 13. Ils faisaient pas une série, là. Non, c'est ça. Il y en avait un qu'ils avaient mis en série. Mais là, ça dit quoi, là? Vous faites vos pronostics, là, pour les séries. Ça dit quoi, là, on parle de la finale, là? Ben, il est trop tôt, moi, je dis. Ah ouais? Pour la finale? Ouais. Bon, moi, je dis qu'il est trop tôt pour l'instant. Ah ouais? Ben, personnellement. Moi, je vais attendre encore un peu, là. C'est tellement chaud, là, plus dans l'Est encore, là, mais dans l'Ouest aussi. Ben là, on s'entend que Détroit sera là, c'est sûr? Non. C'est pas sûr. Anaheim, Dallas. Anaheim, moi, je pense que c'est ce qu'on risque de voir, c'est le sequel, Anaheim Part 2. Anaheim, ça se peut fort bien. S'ils sont pas malchanceux, là. C'est Corey Perry a été blessé, là. Ouais, 6 semaines, il s'est fait couper. Comme on dit, ça change la donne. Ça change la donne, mais ça, c'est pas grave. Pourvu qu'il rentre en série, lui, il va venir pour la première ronde. Exact. Ben, il est out pour 5-6 semaines. 6 semaines, ouais. 6 semaines. Il va arriver pour la première ronde. Il va manquer peut-être 2 matchs, ouais, quand même. Non, c'est assez excitant, quand même, de voir ça, à quel point les équipes, ça. On parle de comment ils appellent ça, la parité dans les Non, c'est fort. Tout à fait, ouais. C'est fort. Mais là, Pat aussi, je veux te féliciter pour vous être rendu quand même assez loin. Ben oui, avec mon équipe de filles, mon équipe de jeunes. Exactement, félicitations. C'est Monsieur Massicotti m'a compté ça de long en large. Ah oui, en détail. As-tu compté un peu l'atmosphère, l'ambiance qui régnait là-bas? Il m'a dit, écoutez, ça a joué nasty. Ah, c'était solide. Hein? Ah, là, je me suis dit, garde, ça a joué nasty, je me suis dit, Thierry a dû pogner une inconduite de partie. Elle était correcte. Ah ouais, elle était correcte. Elle était toute la game là, elle a pas été sortie du match, puis même je pense qu'elle a eu une punition de 2 minutes, je pense. Ouais. Puis elle a joué du coude pareil. Ah, joué du coude. Écoute, tout était permis. En overtime, le 4 contre 4, hein, l'arbitre son sifflet, il était dans sa poche, c'était fini. Ça. Ah ouais. Un 10 minutes free. Ça c'était du bon hockey, tu sais, il y a 7-8 ans là dans les séries là, tout était permis, mon homme. Épouvantable, c'était terrible. Mais la saison est terminée là. Ben oui, malheureusement, mais on a montré hors de tout doute, comme je disais à mes filles quand je suis rentré dans la chambre après le match. Écoute, ça pleurait, mais c'était pas drôle. Ah, Pat, j'ai des filles de 15 ans, j'avais deux filles de 16 ans à mon équipe, une de 17, là, c'est pas évident. Ouais. Mais la première chose que j'ai dit, regarde, on a démontré là, hors de tout doute là, qu'on était une meilleure équipe qu'eux autres aujourd'hui. Là, parce c'est que sérieux. En trois périodes, on les a battus 4-1. Là. Les shots après les trois périodes, là, c'était 57-27. T'as-tu passé proche de l'émeute comme Non. Dans le temps, dans le temps de McGill. Une fois que monsieur avait lancé une claque. Ouais. Non, on n'était même pas proche de ça. La police est pas venue, là. Non, la police est pas venue. Parce qu'on a eu une émeute quasiment. On avait été voir. C'était la match de 8 overtime, ça. Je me rappelle bien. Ouais, ça avait été. En fait, ça avait été en overtime. Si je me rappelle bien, c'était les Patriotes de Trois-Rivières et de l'UQTR. Qui avaient compté. Oui. Et puis le but, était bon. Le match avait repris, le but était bon. Puis le match avait pris une minute. Après une minute, l'arbitre siffle. Il dit non, reviens sur ma décision. Changé d'idée. Le but est bon. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Non, moi non plus. Écoute, ça prenait une fille qui arbitrait. Premièrement, Mme Caisse. Son nom de famille, c'était Caisse. Isabelle Caisse n'a jamais arbitré un match de sa vie. C'est la première fois que je voyais une femme arbitrer. Ouais, en chef d'un niveau. Sérieusement, ça m'a pas étonné. Non, mais c'est ça, puis elle a été mis dehors, puis ça, c'est le père d'une joueuse qui avait lancé sa claque. Ouais, un gros barbu. Un gros barbu avait enlevé sa claque en dessous de sa botte, ouais, qui avait lancé ça sur le ref. Ça donnait que moi, puis Pat, on était à côté. La police était arrivée. Avec notre petite bière, on était soupçonnés. Hein, quand la police arrivait, il pointait dans notre direction. Nous autres, la petite bière, on était sur le party. On prenait une bière par période. Ah ouais, on avait de la face de bandit aussi. Là. Oui. Toi aussi. Ouais. T'avais-tu les cheveux longs dans ce temps-là, toi? Mais possiblement. Ah oui, avec la grosse barbe, ben oui. T'étais épeuré dans ce temps-là. Toi. Non. C'est pour ça que j'étais possiblement un suspect numéro un. Ouais, parce qu'ils ont dit un gros barbu. Ouais. À l'époque, t'avais quelques kilos en trop qui est disparu depuis quelques années. Là. Ouais, non, je fitais dans la description, ça, c'est clair. C'est clair. Non, ça s'est très bien soldé là-bas. Puis en passant, Dan m'a dit aussi là que. Il t'avait rarement vu saper comme un prince. Ah, écoute, il était top-notch. T'as pas eu de problème avec les vestons. Là, non, les vestons mais c'est parce que là, j'avais mis par-dessus un grand paletot. Oui, exact. Oh, un paletot. Ah oui, quelque chose d'assez parce que c'était quoi à l'aréna? Oui. Oh, entre autres. C'était pas chaud. Parce que ça donne un look. J'avais un beau look à l'arrière du mec. Ça doit être quelque chose à voir. Ouais. Fait que là, les prochaines étapes, c'est quoi? L'année prochaine, on recommence? Ben oui, écoute, on est déjà en train de travailler là-dessus. Avec le même noyau de joueuses, ou? J'en perds environ, je te dirais, deux, là. Ah, c'est bon. D'impact, là. Okay. Mais j'y remplace par, écoute, j'ai quatre filles de l'équipe Canada qui s'en viennent l'année prochaine. Puis côté Gaulard, qu'est-ce que ça va dire? Ah, oh, c'est toujours Saint-Pierre Lavigne. Pour ça, y a pas de changement, là. Ouais. J'ai le même duo. Bon. Ok. Ça va aller loin l'année prochaine. Puis c'est ça. Puis là, les filles ont pris de l'expérience cette année. Ouais. J'ajoute à ça quatre filles de niveau canadien qui sont expérimentées pour gagner des médailles. Là. Faut pas oublier non plus que t'as fini la saison en tant que coach et DG. Ah oui, c'est du stock, là. Puis l'année prochaine, on garde le même poste. Ouais. Moi, je vais juste être DG. Là. Ah ouais. Là, on cherche des coachs. On est déjà en entrevue la semaine prochaine. Ah, mercredi. C'est commencé. Hey, j'écoutais justement l'autre jour la biographie du petit tigre. Là, mm-hmm. Puis je pense que lui, vous pourriez l'appeler. Je pourrais, c'est vrai. Les yeux que... Il y a des problèmes cardiaques, lui. Pis ouais, c'est ça. Tu sais, le fait de le ramener en arrière d'un banc dans la Ligue nationale ou avec des gars, tu sais, c'est dangereux pour sa santé. Lui, des filles, ça va moins vite. Ça. C'est parce que des filles, s'ils rentrent dans la chambre pis ils voient en petite tenue ou en sous-vêtement, ça va monter leur pied à l'air. Lui, c'est fini. Lui, il pète aux frettes. Là. Parce que moi, puis je vous le dis, puis c'est pas des jokes que je vous dis là, mais souvent, moi, je rentre jamais dans la chambre. Je cogne toujours avant. Okay. Toujours. Puis là, je demande, bon, c'est-tu correct? Je peux-tu rentrer? Puis là, les filles, oui, il y en a une vient ouvrir la porte. Là, je rentre. Okay. Puis là, je vais faire mon discours. Mais quand les filles disent oui, moi, c'est correct, là, c'est correct. Mais je rentre. Il y en a toujours deux ou trois qui n'ont pas de top, rien. Puis ils sont assis là, les seins à l'air. Puis là, j'explique mon plan de match. Puis eux autres, ils s'en sacent. Des fois, ils s'en foutent que moi, je les vois de même. Là, c'est ça. T'es vu une couple de fois, c'est ils s'en foutent, là. Puis ils savent que ma blonde est assise deux bancs à côté d'elle. Là, c'est bien clair. Fait que là, les premières fois, ça saisit. C'est sûr. C'est haut. Tu dis, Chris, il y a de l'attention ici. Là, pis, t'sais, les yeux marquants. Ces filles-là sont quand même en shape, là. Ben, oui, c'est pas... C'est tout du monde qui sont dans le dark side, là. Il y a une, oui, que depuis 5 ans dans le dark side, que je coach tout le temps. Là, depuis 5 ans, j'ai ramené de l'avalanche avec cette équipe-là. OK. Fait que ça fait 5 ans, j'ai voué. J'ai jamais touché. Mais je veux dire, je les connais par cœur, là. Écoute, à un moment donné, les premières fois, t'écris au tableau tes systèmes de jeu, tu louches un peu. Mais ouais, tu dis, Chris, il y a quoi qui me regarde à gauche, là? Mais après 5 ans, je m'en fais plus que ça. Non. C'est je m'en fais plus que ça. Puis écoute, ma blonde est dans la chambre en plus, je peux pas. Ouais, c'est gênant un peu. Ouais. Ça serait déplacé. Mais, fait que, Nat, as-tu fini avec une bonne fiche cette année, là? 28 points en 28 matchs. Non, c'était pas mauvais. C'est comme défenseur, c'est excellent. Ouais. Ben ça, c'est l'unique raison, oui, c'est un bon défenseur, Nat. Mais la grosse raison, c'est qu'on avait une offensive incroyable. Oui, canon, c'est ça. C'est ça. Cette année, là, elle a, puis vraiment, Nat, elle me gêne pas pour le dire, que cette année, ça fait quand même 24 années qu'elle joue, là. C'est la meilleure équipe avec qui a eu la chance de jouer cette année. La plus talentueuse, puis une des meilleures équipes offensives. Puis c'est-tu dans ses pas mal, ses bonnes saisons? Ah, oui, oui, oui. Ouais. Dans la ligue, c'est sa dixième année dans ce ligue-là. Puis c'est qu'elle n'avait jamais dépassé 15 points. Hey. OK. Elle faisait toujours 15, puis elle a fait 28 en 28. Ouais, c'est le double. Non, c'est sa meilleure saison, puis elle est comme le bon vin, en vieillissant, elle s'améliore aussi, c'est ça. Dans l'expérience. Ben, défenseur, je te dirais que c'est. Elle est à son pic. C'est ça, c'est le pic. C'est comme le bon vin. Exact. Il faut que tu t'en débarrasses avant qu'il bouchonne, par exemple. OK. Et... Ben, je parle de hockey. Oui, okay. Ouais, évidemment. C'est là. C'est bon. Je parle pas de vie personnelle. Non? Là. Ah, OK, OK. Faut je parle de hockey, mais Nat est bonne encore pour... Mais tant... Oui, hein? Oh, pleine ouais. De saison encore? Ah, oh, je sais pas. Elle veut des enfants, là. Ah, oh, ouais. Je pense qu'il reste une saison. Ça, c'est un autre dossier. Ça. Après ouais. Ça, on se met ses bébés, là. Eh. Ah, ouais? Parce que là, son cousin favori, là, Martin Derry, ouais. Un ami que, écoute, je le vois régulièrement, sa blonde est enceinte là, depuis un mois et demi, je pense. OK, fait que là, ça commence à... Fait que c'est le dernier de ses cousins, là. C'était le dernier, puis nous autres, comme, qu'il n'y en avait pas, là. Ah, ouais. Là, il reste juste nous autres, là, dans tous les amis proches ou les cousins proches, là. Fait que là, ça... Oh, je pense qu'il y a un petit pop-up qui est d'arrivé. Partout, je pense que Nat... Oh oui, c'est elle, en plus. Attention à ce que vous dites. Je suis maintenant à l'écoute. Ling, ling, ling, ling, ling. Un petit call. Fait que Frank, si tu veux lui demander un coup de pied marteau, quelque chose, Nat, à l'écoute. Ah, ben ouais, Hammerkey, s'il te plaît, Nat. Ça serait gentil, ça. Hammerkey. Je suis sûr que t'es en train de le faire dans le salon chez lui. Ah, sûrement. Mais, écoute, Nat, premièrement, elle a apprécié vraiment votre présence. Oui, bon, tant puis, mieux. C'est sûr qu'on aurait aimé que M. Arsenault soit là, mais il l'a vu quand même souvent. Ouais. Non, mais il va falloir qu'on s'arrange pour aller la voir à Montréal là, quand ça va jouer là, okay. Avec les pancartes, les cressets. Oui, moi puis Dan, oui. On va s'occuper de ça. Oui. Excellent. Les pancartes ouais. De Pierre-Yvon, un coup parti. Ouais. Ça serait pas mauvais, ça. Puis à part de ça, mon Frank, il fait beau dans ton coin pour l'instant, c'était beau? Ben là, ça commence à venter, ça commence à neigeoyer un petit peu. T'as-tu pris un peu d'avance, là? T'as-tu commencé à gratter? Ouais. Là, ben là, j'ai été, justement, aujourd'hui, commencé à pelleter ma galerie de côté de maison. Tu t'attaques à la galerie, finalement? La grande galerie. Ouais, j'avais 3 pieds de neige, là. Je pensais que t'as laissé tomber. Ouais, t'avais dit que t'avais lâché les bras. J'avais lâché les bras, mais ça me tente pas que la galerie défonce. Que... Ah, c'est une bonne raison. Ouais, c'est une bonne raison. Oui, oui. Ben, check le toit aussi. Ça aussi, c'est Chris quand ça défonce. Ouais, non, il vente tellement dans le coin que la neige, elle colle pas. C'est l'avantage. C'est au moins ça. Ouais, c'est ça. Non, écoutez, regarde, je travaille avec des gars ici, là, dans le coin de Québec. Ça fait des. Il y a des gars qui sont nés ici, des gars de 60-65 ans, là, puis. Ils n'ont jamais vu ça. C'est peut-être la première ou la deuxième fois qu'ils voient autant de neige que ça. Là. Wow. C'est unanime, le réchauffement climatique, c'est de la merde. Cette année, là. Ouais, j'avoue que. On s'entend. On s'entend que. Écoute, c'est terrible, là. Comme je vous dis, on pense en envoyer par la poste. On va en avoir quoi jusqu'au. D'après moi, les pistes de ski vont être ouvertes, vont être encore ouvertes au mois de mai. Ben ici à Montréal, comme je te disais cet après-midi, ils sont en train de faire des Mont-Royal en neige. Ouais. Ils en ont 2-3 de ramassés, là. Ben toi, Dan, quand tu redescends à Trois-Rivières, là, chez tes parents, ça te tente pas d'en monter un peu dans ta valise de char? C'est ce que je fais. Ouais. J'en amène, mais j'arrive à Trois-Rivières, puis il y en a le double. Ah. Là, je remonte avec. OK, fin. Parce que tu laisses le voyage de Montréal, tu repars qu'un voyage à Trois-Rivières. J'ai la dompe à Berthier en me ramassant un petit burger, puis OK. Il continue. C'est parce que lui, il fait le trajet avec la valise ouverte. C'est ça? Ouais. Tu remplis. Pas bête. Des petits trucs de même que tu pognes avec le temps. Ouais, ben bref, c'est vraiment, ces temps-ci, depuis les dernières semaines, c'est vraiment de la merde, là. Alors, on regarde, c'est pas facile, mais en tout cas, écoute, on va espérer que la semaine prochaine, la température va être plus clémente. Pis que, ben, ça devrait. On va peut-être pouvoir te voir en studio. D'ailleurs, il y a toute une joyeuse gang qui s'en vient. On a le retour de Botrax qui va être là. On a Capital John, ça se peut qu'il va être là. Fait qu'écoute, ça lâche pas. Peut-être le bum, je sais pas si le bum pourrait descendre. Le bum, il faudrait qu'il monte avec toi. Là. Il attend juste que M. A... Ah, c'est ça. Québec, okay. Ben, ce que je vais faire, Dan, on va se rappeler cette semaine. Ouais. Tu donneras ses coordonnées. Puis, Des coordonnées. Mes coordonnées. Les coordonnées. Ouais, puis ça serait pas mauvais, ça. Essayer d'organiser genre vendredi prochain. Ouais. Non, okay. Ça serait pas mauvais. On pourrait organiser un petit autobus de Québec. Oui! Un petit autobus, c'est bon. Un petit Bluebird. Un petit voyage organisé. Hey, même, je vais vous donner une primeur à part de ça. Ah. J'ai même ma classe, moi, sur mon permis de conduire pour chauffer des autobus de 24 passagers et moins. Ah ouais, t'as ça. On a-tu le candidat idéal, Barry? Hey, tabernacle. Hein? Wow. Il reste juste à trouver l'autobus puis 24 personnes. Bon. Ça, c'est un détail. Ben oui. Écoute. Hein, hey. on fait une annonce, là, puis on remplit ça, c'est pas trop long. Ben oui, les packs, là, puis c'est réglé. Ben oui, fait qu'il faut juste trouver une place pour parquer l'autobus à côté de la flotte pour on est en business. Ouais, ça aussi, ça s'arrange, ça. Ouais. On a fait une couple d'affaires, là, des buildings qu'on peut crisser à la terre assez facilement ici. Là. Ouais. Ben écoute, je vais vous souhaiter une bonne fin de show, les ben boys. Certain, mon merci. Frank. Ben hâte de vous voir. Tipat, vas-tu être là la semaine prochaine? Ben, écoute, c'est un 6 en 6 vendredi prochain. C'est ouais. Cool. Puis, écoute, c'est sûr que si t'es là, et la seule raison pourquoi je serais pas là, c'est mon décès. C'est tout simplement. Ou une pierre au rein. On va voir. Ouais, il y a tout. Pat, 6 en 6, c'est fort. C'est fort. Écoute, j'ai 5 en 5, là. Ouais, Pat, c'est quelqu'un qui peut avoir une longue léthargie. Oui. Mais quand il se pointe, là. C'est ça. C'est un gars de 50 buts par année. Je suis vraiment comme ça. Je suis vraiment, vraiment des hauts et des bas. À soir, c'est la cinquième en ligne. Comment? À soir, c'est la cinquième en ligne. Ouais. Tout après, à soir, c'est du bonus. Oh. C'est tout du bonus. Garde 5 en 5, après ça 6 en 6. Écoute, mais honnêtement, Dan, le fait aussi que tu serais tout seul tout le temps. Ah ici, oui, ça serait là, pas ça, facile. Écoute, je peux pas te laisser tout seul. Je ferais jamais ça. Vous me retrouveriez complètement sous le dimanche matin. Mais en plus, c'est que j'aime ça, je trippe. Ah oui, c'est bien plaisant. Ça va mieux, là, garde, le hockey est fini. Hein, oui. Comme je te dis, avant les fêtes, c'était difficile. Les fusillades, c'est réglé. Tout est fait. Bon, tout est fait. Là, j'ai une vie, j'ai du temps. T'as une vie, t'as des peanuts, t'amènes tes petites peanuts. J'ai bien hâte à vendredi prochain. Ah ouais, ben, on va se serrer la pince, mon homme, ça, c'est sûr. Yes. Fait que je vous souhaite une bonne fin de show, puis moi, je m'en vais finir de péter ma galerie. Bon. Ouais. Écoute, on te met un petit outro du tac au tac pour un peu. Finir ça. Salut, les boys. Bye. Ciao, mon Frank. Yeah. invite à écouter mon nouveau show Bonne Semaine parce que c'est très bon. Mais quoi? Mais non, mais t'es humble, c'est pas très bon, c'est du jamais vu. C'est peut-être ça, mais je peux pas dire ça. Ben moi oui, puis je vais le dire, c'est le meilleur show de la vie. Ben là, j'aime pas que n'importe qui dise du bien de moi, mais là, ça vient pas de n'importe qui. Bonne Semaine, la radio anti-spin, tous les dimanches, 20h. Ben là, ben merci. Le Journal de Québec met ses syndiqués à la rue et confie l'impression de son torchon au Bloc de Toronto. Québecor World met ses créanciers à la rue et fait irradier ses actions de la Bourse de New York. Quel manque de loyauté envers Québec et le monde entier. Tous les détails sont dans le Medium Matin Québec ou dans le registre des faillites sur Internet. Et c'est gratis. En direct de nulle part, comme son nom l'indique, ben c'est ton direct de nulle part. Avec trois gars qui nous reçoivent dans leur intimité. En direct de nulle part. Avec votre hôte, Mr. M. Monsieur et vos deux co-animateurs. Mr. A. Monsieur Arsenault. Mr. T, Monsieur de Page, en direct de nulle part. On sait pas où ce qu'on est, mais Moses qu'on sait ce qu'on s'en va. Et avec deux co-animateurs qui sont pas là, mais heureusement, Pat de Bat qui est au bat, finalement. Appelez, oh, en gros dossier. Alors, vous êtes en direct de nulle part sur XL Tracks, sur Franco Radio et sur Radiosphère.ca. Yeah! Bon vendredi, tout le monde, le party n'est pas fini, car on est juste à la mi-temps, Calvas. Alors, ça continue de plus belle jusqu'à 11h. En direct de nulle part! En direct de nulle part! Avec votre hôte, Mr. M. Monsieur Massicotte. Breaking news. Alors, New Jersey, c'est fait. Victoire de 2 à 1 en prolongation face au pauvre Lightning de Tampa Bay. Donc, on passe en avant du CH. Oui, voilà. Monsieur, c'est fait. Calisse. Ben, faut lui donner. Écoute, c'est un très bon match. Et c'était très bien décrit par Daniel Sauvageau et l'autre. Oui, Madame Douville. Et aidez-moi, là, mais là, c'est présentement France-Saint-Louis. Et je me souviens pas qui, la madame de tennis. Ouais, la dame son de tennis. Son nom ne revient pas, là. Non. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est ça. On fait comme à 110. On connaît pas nos sujets. On parle ça pendant le temps. On salue Jean Pagé aussi. Qui aime bien faire de la moto. Ouais. Il aime bien ça aussi. Ouais. Ça, il aime bien ça aussi. Il sortait avec qui donc, là, un moment donné? Ça avait fait une histoire. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'elle l'a laissé aussi. C'est ça, hein. Comment qu'elle s'appelait, elle? Ça a l'air qu'il tapait fort. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est comment qu'elle s'appelait? Je ne sais pas du nom de la fille, par exemple. En tout cas, album, peut-être. Oui, Hélène Pelletier ici. C'est ça, c'est Hélène Pelletier. Bravo. Merci, monsieur Lebaum. Merci. Mais Lebaum, il est branché. C'était quoi, monsieur Lebaum, donc, l'ancienne femme de Jean Pagé? C'était quoi son nom? Elle était connue, la fille, là. C'est une personnalité, là, très bien connue dans le showbiz. Madame Bruchési. Madame Bruchési. En tout cas, on la salue. À son avec, on salue tout le monde. Donc là, on est rendu à la prise 2 des sports. Ouais, prise 2 des sports. Ah non, la question. La question, Pat. Oui, c'est vrai, vas-y. La question est maintenant terminée. On a des gagnants pour savoir si vous étiez des turbo whatever. Pardon. Avec un score au-dessus de 70%, on était à non. On n'était pas des turbo whatever. Et puis, un 30% est autour de tout ça là, qui nous disait que oui, eux étaient des turbo whatever. La question peut-être la semaine prochaine sera qu'est-ce qu'un turbo whatever? Oh, mais, ça peut être bon ça, parce qu'il y a plein de monde qui se le demande là. Ouais, regarde, moi aussi je suis le premier à pas savoir trop c'était quoi le fin mot de l'histoire, mais bon. Là, cette semaine, on a une nouvelle question pour vous qui est est en ligne présentement. Ouais, oui, il y a déjà des gens qui peuvent répondre. Là. Bon, ben c'est bien simple. En avez-vous plein le cul de la neige? Hein? Oh! Ça, c'est une belle question d'actualité. C'est chaud, oui, c'est ça. Non, oh, hein? Écoutez, avec ce qui s'est passé cette semaine, encore ce qu'on annonce cette semaine, en fin de semaine, le 400e de la ville de Québec, on a 400 cm. Écoute, est-ce que vous êtes écœuré ou vous êtes capable d'en prendre encore? Parce que, on verra. ça continue de même, on va avoir assez de neige pour faire de la cabane à sucre jusqu'au mois d'août. Oh, ouais, ou faire une exporter peut-être sur la Lune ou sur Mars. On parle de peut-être aller prochainement sur Mars. Bon, on nous enverra une petite bordée de neige. Ça serait pas mauvais, c'est bien clair. Ben ouais. Ça ferait du bien. Non, sérieusement, je sais pas si ceux qui restent dans la région de Montréal, vous avez vu sur le bord de la 20, tout le long de la 20, on est rendu avec une espèce de grosse méga palissade. C'est le mur de la Chine fait en neige. Oui, c'est la première année que je le vois aussi haut que ça. Ben franchement là, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Ça va coûter cher en esti pour la ville. Ben ils ont déjà commencé là justement à arrêter de déneiger les trottoirs ou à Québec justement. On a eu des infos tantôt que The Hot News. Ils veulent même plus déneiger les rues. Ah non, ils ont plus d'argent. Ils ont plus d'argent. Fait que là on fait quoi, tu sais? Ben on va y aller skidoo, quatre roues, skidoo, ski de fond. On se déplace en ski de fond. Sortez les bonnes vieilles snowmobiles. Les raquettes, là. Les raquettes, c'est fini. Les traîneaux à chien. Non. Non, oui, donc. Il y aurait moins d'accidents, moins de ponts bloqués. Tout le monde sera en raquette ou en ski. C'est vrai ça. Essayez ça l'année prochaine. Bon, ben Pat, on continue ça. Prise 2. Yes. Bon, je t'ai rendu dans le baseball. Écoute, la balle du 756e circuit de Barry Bonds. Ah, t'as entendu parler de ça cette semaine? Oui, monsieur. Mark Echo. Ça, c'est celui qui l'avait récupéré. Ça s'était astiné, d'ailleurs. Ouais, il y a eu quelques tapes à gueule. Je pense que c'est lui qui t'appelle le plus fort dans la gang. Parce que c'est lui qui a récolté la balle, c'est ça. Fait que lui, il s'est sauvé avec la balle. Puis il a décidé cette semaine de la vendre à un prix de 750 000 $ US. Oh. Et ça va se retrouver au temple de la renommée. Mais M. Echo voulait absolument que le record ait un astérix à côté de la balle et qui explique le record. L'histoire de drogue. Exact, je sais. Pour l'histoire de drogue et d'autres. Mais c'est ça. Fait qu'il a vendu 750 000. Moi, je sais pas pourquoi, mais je l'aurais vendu 756 000. Ah ouais, t'aurais mis un 6 de plus? Oui, parce que c'était le 756e circuit. Ah, ben, c'est le concept. Ben oui, ben oui. Juste 6 000 de plus, puis ça aurait fait concept un peu. Oui, c'est vrai, ça. Mais bon, puis 6 000 là, je trouve que c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Il semble que ça aurait valu une couple de millions. Ben oui, mais oui, c'est pas beaucoup. Mais bon, c'est quand même correct. La tourmente, c'est ça. Mais tu sais, il aurait demandé 756 000 à la place, puis m'envoyer le 6 000 à moi. Tu sais, ça aurait été parfait. Ouais. Mais il y a encore quelqu'un qui a oublié de m'appeler avant de faire le mot. Ben oui. J'aurais expliqué ça, le concept, moi. Ben oui. Donne-moi le 6 000. Ben oui, donne-moi ça, là. En tout cas, c'est ça qui est ça. Simonac. On reste au baseball, le petit Québécois, Philippe Aumont. Oh! Il avait été repêché en première ronde par Seattle. OK. Au dernier repêchage. Ben lui, là, il a eu son premier départ cette semaine. Ah ouais? Ben un départ, un petit test. Ben là, c'est le match du Pamplemousse. Ouais, il a lancé quelques manches, là. Écoute, il a donné un coup sûr, trois retraits au bâton, fait que ça va bien. Pas pire. La glace est brisée. On a-tu un autre cas de gars qui va enfler dans les prochains mois, comme les petits gars? Là, lui, c'est un 6 pieds 7, un grand fafouin. Okay, il parle pas un mot anglais. Fait que là, il commence, là. Il a pas le choix, là. Il est gros comme un pou. Ça me surprendrait pas que dans 2-3 ans, il ait pris de la masse. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est non, lui, naturellement. Il va s'entraîner, pis c'est un bon kid, pis tout ça. Non, regarde. Je sais pas, il va-tu tomber dedans ou pas, j'ai aucune idée. Ouais. Mais c'est sûr qu'il va prendre, il va mettre un peu de muscle sur sa charpente, parce qu'il est vraiment pas gros, là, c'est ça. Mais il pitch en tabarouette. Ouais, il va être bon, hein. Ah, oh, ouais, c'est un Randy Johnson. Il vient d'où, lui? Il est sorti de quel club? Je sais pas, pantoute. Je sais pas. Il sort de nulle part. Il me semble, on n'a plus vraiment, à part les Aigles de Trois-Rivières, là, qui sont encore... Je pense qu'il joue pour les As, mais je suis pas sûr. Les As? Ah, ouais, peut-être. Ouais. Ah, du coup. Si on va du côté de tennis, à Dubaï, on connaît les deux finalistes. Ah ouais, ok. Et oui. Ben là, Federer, il s'est fait sortir assez rapidement. Oui, assez de bonheur. Mais là, c'est Andy Roddick qui va être en finale contre Feliciano Lopez. Ah, ok. Je connais pas. Ben, moi non plus. Ah, on va apprendre à les connaître. C'est lui qui est en finale. C'est bon. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Nadal était pas là, lui? Non. Ah, OK. Il en saute des fois, lui. Il en saute de temps en temps. Ouais, parce que, justement, il en saute ailleurs. C'est ça, exact. C'est ça, il peut pas être partout. Là, je t'avais dit, en début d'émission, que je parlerais des petits dossiers un peu plus... Kinky? Non, c'est pas tout de suite. T'es-tu rendu là, non? Non, pas là, non. Okay, non. On va attendre à la troisième heure. Oui, oui, oui. Patientez pour les rumeurs. Patientez pour M. Bijoux et José. Mais non, là, je vais parler plutôt de sport un peu qu'on parle pas souvent. Non, c'est ça, underground. On est super bien... Écoute, on est super bien représentés. Exemple. Je te parle de l'équipe Dion. Ça dit quelque chose cette semaine, ça? Ben, moi, la seule équipe Dion que je connais, est pas terrible. Pas c'est l'équipe de Stéphane là, Dion. Ok, je pensais que tu parlais de Maman Dion. Non, ou encore, ouais, c'est vrai, il y a ce club-là avec aussi. Avec M. Salvaille. Éric Salvaille. Ok, bon. Non, écoute, William Dion, ça te dit rien. Ok, ben oui, j'ai vu ça au cette curling. Semaine, mais j'ai aucune nuit. Ah, c'est ça. Ils sont présentement en Suède, c'est les championnats du monde junior de curling. Puis là, t'as quatre Québécois, des jeunes, qui ont fini au premier rang dans le classement général. Ils ont tout gagné le game là-bas. Il torche tout le monde. Là. Lui, le skip principal, là, je sais pas comment t'appelles ça. Ouais, le solid pitch. Ouais, c'est ça. Pitch-up. William Dion, là, c'est un jeune de 17 ans de Drummondville. Il était en entrevue hier ou avant-hier avec Michel Villeneuve. Oh! Puis vraiment drôle, le gars. Là. Un bon Ouais, clip. Un bon Jack. On check les petites filles. Pis, ah, c'est ça. Il était sincère. Là. Moi, par exemple, ça me surprend. Je pensais que c'était juste au Canada qu'on jouait à ça, curling. Ben, ouais, ça a l'air qu'au Québec, on commence à être assez dominant parce que là, on a une équipe. Et là, il joue contre qui? Il a joué contre la Suède, il a joué contre... Non, ouais, ils ont des clips de ça. Ben ouais, c'est bon, je parle de quoi, sérieux? Je pensais que c'était juste ça. Mais non, ça se passe partout. Les Russes sont-ils là-dedans, tu penses? Ben oui. Ah ouais? Ben oui, c'est les Russes, puis toute la gang. Je sais pas. Moi, j'ai jamais essayé ce sport-là, ben honnêtement. Moi, oui, une fois. Moi, mon cousin qui était d'une ligue longtemps, il tripait, puis mon cousin, il a fait du football. Tu sais, fait que là, je me dis... C'est un sport assez à l'opposé du football. Tu sais, t'as pas vraiment de contact. Non. C'est plus du calcul, la stratégie pis tout ça. Eh hey, mais il a trippé là-dedans comme j'ai jamais vu. C'est là. Très ben, c'est ça, tu sais, faut que tu gages pis le petit coup de balai, ça a l'air niaiseux, là, mais faut savoir comment le manier le balai. Ouais. Fait que toi, t'as essayé ça, toi. J'ai essayé ça une fois avec une équipe de balle, joueur d'une équipe de balle donnée à Trois-Rivières à l'époque, pis il y avait une couple de vieux dans cette équipe-là, pis eux autres, ils pratiquaient ça régulièrement. Pis... T'avais aimé ça, hein? Non. Ah, qui me semble. J'ai trouvé ça bien drôle, là, mais tu sais, je pitchais à la pierre tout le temps ben trop fort. Ouais, c'est ça. Elle allait claquer dans le fond, bang, à l'autre bout, je tirais vraiment pas assez fort, là, c'est gigante, c'est plate. On oublie ça, ouais. Moi, j'aime pas ça, personnellement, là. C'est un genre. Tu regardes ça, c'est encore pire. Hé, Christy, là, si moi, je garde le baseball, je trouve ça plate à TV, imagine ça. Ben là, c'est mieux une game de baseball que de curling. À TV, on s'entend, là. Un peu. Pas mal. C'est pas facile. Moi, au baseball, je m'endors facilement, là. En tout cas. Bien une brise. Si on revient un peu plus près d'ici, à Stoneham, présentement, ouais. Tu sais que c'est la Coupe du Monde de surf des neiges. Oui, c'est vrai. Présentement qui se déroule, mais oui. Et des petits résultats tout chauds, là. C'est un peu dommage, mais Dominic Maltais puis J.C.J. Anderson. Ouais, qui avait bien fait cette semaine. Ouais, ben c'est ça, ben les deux sont out des demi-finales. Okay. Oh, ils participeront pas aux demi-finales. Ouais. Fait quart de finale, ça s'arrête là pour les deux. Les autres, c'est Snowboard Cross, je pense, la catégorie. Je m'en ouais, c'est un quoi, peu freestyle. J.C.J. Anderson, ceux qui s'en rappellent pas, c'est celui-là qui avait fumé oui, un pot, peu de pot. Oui, un peu de pot, c'est exactement lui. C'est lui, ça, qui s'est fait retirer des médailles, je pense. Ouais, c'est bien triste, toi, là. Fait que lui, bon, mais les deux, là, sont pas en finale. Out, merci, bonsoir. Ça s'est passé aujourd'hui à Stoneham. Ah ouais. À Québec. Ouais. Pas mal ça. Aussi, cette semaine, je voulais en parler, j'ai vu Hugo Girard. Ah oui, l'homme fort! Ben oui, écoute, en 2002, je pense qu'il avait été nommé l'homme le plus fort au monde. Ouais. Il veut aller chercher son titre, là. Lui, il va aller chercher... Oui, il a eu des blessures, hein. C'est même pas drôle ce qui est arrivé, là. Il s'est déchiré le tendon d'Achille en train de forçant. Tu vois, le tendon d'Achille, quand ça coupe, là, ça remonte dans le mollet comme une strap. Ouais, ça presse pas à pression, mais c'est tendu, là, tu sais. C'est l'enfer. Lui, ça y est arrivé en entraînement, je pense, en souvent des pots. Puis après ça, il a eu le même problème en marchant. Tu sais, il était dans sa rémission. Mm-hmm. Paf, ça repartit. Ah non, quand ça lâche ça. Ouais, c'est ça. Là, il est à l'entraînement, ça va bien, ça se replace, mais là, il a besoin de commanditaire. Puis tout ça, tu sais, il a perdu un peu. Ah ouais, il était plus sur la map, là. C'est ça, il était plus sur la map, tout ça. Je l'ai vu au Rona. Oh! OK, le gars, il se tient là, avec un petit stand, là. Mm-hmm. Puis il y a une casquette, puis un gilet de... Les drills, puis tout ça, DeWalt. Ah, oui, oui. Bon. Lui, il est commandité par DeWalt. Puis là, il arrive là avec un poids de 173 livres. OK. Exactement. Puis lui, là, le défi, c'est qu'il prend d'une main, puis il soulève jusqu'à sa taille. Okay. Puis il le repose. Devant le monde, les clients. Ouais, bon, main. Là, les clients se placent autour, ils regardent ça. Ça puis, ils serrent la main, des photos avec Hugo Girard. Oui, il est gigantesque. Puis le défi, si toi, t'es capable de la prendre d'une main, le poids, prendre le poids, puis le soulever jusqu'à ta taille, puis tu le redéposes. Ouais. Puis il te donne une drill de Walt de ton choix. C'est pour puis il y a des drills, puis il y a combien de livres? 170 livres. Ça, ouais, 160... d'une main, là, tu peux pas prendre les non, deux, là. 173 livres. Prends ça d'une main. Là, tu vois tout le monde essayer, ben des oui, madames, ça bouge des monons, des, regarde, ça bouge pas, pantoute, là. Là, il y en a à deux mains qui le lèvent, là, à peu près au genou. Eh oui, j'ai t'es loin encore de la taille. Là, tout le monde force. Puis là, tu vois des Joe Pickup, là. Ouais, ouais, ils sont là en deux jobs. Deux fly. Puis là, ils sont là avec le petit outil et le crayon dans l'oreille. Ouais. Moi, il m'a levé ça. Le faire. Puis là, il force, mon homme. Comme des, c'est même pas drôle, des ça fois. Ça se tord des dos. Il y en a un, là, je te le jure, pendant qu'il forçait, ça a fait... Il a lâché un pet, mon homme. C'était incroyable, c'était juteux. Ben oui, en plus. C'est ça. Mais j'ai pas vu personne... Non, il y a pas personne qui est parti avec la drille. Non. Non, on s'entend qu'Hugo, lui, c'est comme soulever une boîte à lunch pour lui. Là. Ah, pas de trouble. C'est facile, là. Il l'a fait au moins une quinzaine de fois. Puis après ça, oh, il m'a changé de main. Imagine, facile. Il faisait de la gauche. Ah ouais, Chris, lui, il n'y a pas de problème. Puis lui, il a fait à peu près 50 000, comme il disait. Il a fait au moins 50 000 kilomètres d'auto pour se promener dans des Rona comme ça puis faire ça. Et si bol, hein? Faut pas être capable d'avoir une commandite de Walt. Là. C'était ça la condition pour se rendre. J'ai beaucoup de respect. Là. J'ai beaucoup de respect pour ce gars-là. J'en avais déjà beaucoup parce qu'il est gros, grand, imposant. Tu t'arranges pour le respecter. Mais c'est un gentleman. Ah, il est fin. Je le voyais d'un entrevue avec son enfant puis sa femme. Pis ah non, c'est ça. C'est tu un vois, bon gars. Il y a un gars. Moi aussi, je l'ai entendu une couple de fois en entrevue à radio, entre autres. Puis c'est un gars, tu vois, il est terre à terre. Exact. Tu vois que quand il a gagné son titre d'homme le plus fort au monde, c'était comme un objectif qu'il s'était donné. Puis quand il s'est rendu au bout, il a comme fait « Ouais, c'était juste ça. Ouais, » Il a comme un peu, pas bad trippé, mais comme tombé down un peu parce qu'il s'attendait à je sais pas à quoi. Là, mais c'est vrai. Puis là, il veut le reconquérir, mais défi, là. Pour lui. Là. Oui, après sa blessure. Après sa blessure, ça, c'est ça. Il réalise ce qui manque un exact. Peu. Pis s'il dit c'est pas pour être reconnu parce non, que non, il regarde, est reconnu, là. C'est ça puis à quelque part il en a rien à foutre là tu sais il est pas ici, il aime lui, le monde il est c'est pas ça ici, il a sa femme il a son enfant tout va bien hein. Imagine-tu il te donne un ticket ce gars-là tu l'écœures pas hein. Non et hey, tu le prends le ticket puis tu payes le double là. Mais il doit même pas avoir besoin de hausser le ton ou d'être bête premièrement le monde le reconnaît ben ouais là en partant deuxièmement là. Le monde le respecte par sa stature oui. Ceux qui le connaissent pas puis les petits fanfarons devant lui là d'après moi ça se calme un peu. Fait que là, ça vient de sonner à la porte. Fait que là, c'est pas des danseuses parce que cette semaine, j'en ai pas calé. Fait que j'imagine que c'est monsieur du sport extrême qui arrive. Est-ce que c'est lui? Oh oui, c'est lui. Monsieur Gueux, en personne. Ouais. Fait que moi, en plus, mais ça donne bien parce que j'ai fait le tour. Ah, tu voulais? J'ai terminé les sports. Terminé! Finish pour aujourd'hui. À part la petite rumeur qui s'en vient. La petite rumeur qui s'en vient un peu plus tard, en espérant que je sais pas si je vais pouvoir en parler. Là. Ah ouais, je pense que... Ben, en tout cas, on va voir. Oh, ouais. Il y a quelqu'un qui écoute mes conversations. Là. Ouais, c'est ça, faut surveiller. C'est José alors Mr. Guy qui vient d'entrer. Salut Guillaume. Bonsoir. On va y ouvrir celle-là. Ouais, c'est celle-là. Puis si jamais vous parlez des nouvelles, là, ouais, des je m'étais pris une petite note ici, là, le marchand de la mort. Ah ouais? Lui, il a été capturé, là. Fait que rassurez-vous, là, le marchand de la mort, il est sous arrestation. Il est mort. Il est derrière les verrous. Là. OK. Il s'est fait arrêter par Interpol. Oh, on parle n'importe qui. C'est ça. C'est pas un petit voleur de dépanneur. Non, c'est pas Joe Dépanneur. Non. Interpol l'a coincé après une longue filature. Ils l'ont attrapé à Bangkok, en Thaïlande. Lui, je sais pas son nom. S'il y en a des auditeurs qui écoutent, sûrement le Bum. Là. Ah, le Bum, c'est ça. C'est un Russe. Il a été arrêté cette semaine là-bas. Puis c'est un trafiquant d'armes international. Oh. Pis c'était la personne la plus recherchée par Interpol, par la CIA. Présentement, puis il a été arrêté mercredi, je pense. Oui, c'est ça, mercredi. Ah ouais, c'est ça. En Thaïlande. Puis le gars, c'est un joueur de hockey, c'est ça? Ben, je pense que c'est le neveu de Kovalev. Oh! Mais je suis pas sûr, là. Là, je suis pas sûr. Je veux pas lancer de rumeurs. Okay, j'ai pas. Je travaille là-dessus. Mais c'est un Russe. Puis là, Kovi, tu sais, oh. Ouais, il y a pas eu de depuis deux, trois games, je suis pas fort. Elle sait pas. On va creuser ça, voir qu'est-ce qu'on pourrait trouver. Mais non, sérieusement, pas du tout. Ça n'a aucun rapport avec Alex. Mais c'est ça. Si quelqu'un sait le nom là, de la personne qui a été arrêtée. Son surnom, là, c'est le. Le marchand de la mort. Le marchand de la mort. C'est ça, ce que Interpol l'appelait. Puis quand j'ai vu sa bête avec les menottes, j'ai dit, ouais, c'est. Lui, tu l'achètes pas. Non, mais, c'est ça. Non. Puis même Hugo Gérard l'arrêtera pas. Fait quoi, il laissera aller. Oh, il est brûlé rouge, pas grave. Laisse-le aller. Il laissera aller lors la loi. Fait que moi, j'ai fait le tour. C'est terminé. Yes. Puis le beau bonhomme est arrivé. Bon, ben ça marche. Guillaume, de quoi tu vas nous parler à soir? Ben, demain, peut-être que vous en avez déjà parlé parce que j'ai pas suivi jusqu'ici. OK. Mais demain, c'est la journée de la femme. Ah, on n'est pas encore rentré à 100% dans bon, alors, mon ma chronique va un peu parler de ça. Mais il manque encore deux, trois petites statistiques que je vais essayer de chercher parce que c'est pas facile à trouver. Non. Mais c'est bon. Alors, on va sûrement s'en parler un petit peu plus tard. On a aussi le guide d'économie familiale là, de 1960. Wow. Il va falloir revenir justement dans le bout sur la journée de la femme parce que je pense que ça s'y prête bien quand même. Des petits trucs de même qu'on va donner à ces dames. Pour que l'année la prochaine année qui s'en vient se passe aussi bien que celle qui vient de se terminer. Alors c'est ça, puis aussi on a un petit dossier sur la langue française là, je pense que c'est ça qu'on va attaquer après la petite pause musicale là. Vous montrer comment est-ce que c'est important de chirer sur le français parce que tout est hors de contrôle. My ass. Alors on s'en va écouter du Paramore. On continue avec nos spéciales voix féminines et envoûtantes. Ouh. Voici donc Miracle. Ça arrache tout. On vient dans l'autre. Ciao. If you would meet her, I would like to receive some counsels, and I would give her some also. Shut the fuck up. Fuck you, asshole. Je te pardonnerai pas. Fuck you, asshole. Je te tuerai. Tu vas vivre avec ça. fuck you asshole, fuck you. J'avais bien ça va à 50 millions. T'es plus pro que t'es débile. Travaille au dépendant du point, fuck you. Tu veux pas gagner asshole, hein? Fuck this shit, I want it to bring me out now. Fuck you asshole, t'es plus ta meuf, t'es rendu un castré, un mouton, un os. Si je me fais, t'es cassé, t'as pas de cash, je mets dans l'art parce que je m'en vais. Alors asshole, alors dis-moi, pourquoi t'es tout le temps en magasiné? En moi, je comprends, tu vas voir ta baisse de fin de soirée. Fuck you asshole, fuck you, Chris Evans. T'as pas changé tout le temps, tu penses toujours bien qu'à toi. Oubliez-vous d'en est, c'est où qui veut voir. Proposer de partir de chez moi. Fuck you asshole, fuck you, c'est pas vrai. Tu dis sans préjugé, mais t'en mourras en plus. Quand t'étais sur ta meuf, je voyais un peu d'espoir. Mais là, tu viens de me confirmer que je vais plus jamais te voir dans le décor. Je souhaite juste un gros, c'est ta meuf, tu t'es bon flow. C'est tout ce que tu mérites, que ta carrière, ta chérie, ton ballon. Oh, c'est un volant casqué, fuck you asshole, fuck you. C'est pour l'orgueil, hey asshole, dur pour l'orgueil. Pour voir son chum, c'est le bataire, avoir du cul, donner le goût de sa force friend. Faire la tour, il faut juste aller magasiner pour avoir ta tête. Ah, fuck you asshole, fuck you. Oh, j'oubliais. Il est vraiment beau ton centre de table. Fuck you, asshole. Bonjour, ici Paul Oud. Cette semaine, à 11 direct de nulle part, ça va barder en un cicalise de sacrament d'un barlin d'enfanchine d'un tabarnak de cicalise de grosse vachale avec des plis. Vous avez pas aimé ce que vous avez entendu? Ben, je vous blâme. Bon, c'est normal. Ici, on se laisse aller, pis pas à peu près. Bienvenue sur en direct de nulle part. Lâchez-vous douce, et ça presse. Breaking news, breaking news. C'est confirmé, la femme à M. Pagé, c'était Lisa Marois. Ah ben, Calis! Et si tu veux savoir ce qu'elle faisait, elle a animé Mon argent, mes finances avec le sosie de Gilda Roy, hein? Richard Dorval, d'Option Retraite. Oh, ça c'est à la radio par exemple. Ouais. Ça, je me rappelle de ça, Option Retraite. C'était ouais, assez mauvais quand même. Là. Oh, on l'a ici, le nom du russe que je parlais. Là. Ah ouais? Le, comment j'ai dit ça? Le marchand de la mort. Ça serait quoi? C'est Victor Bout. Oh, Bout. Bout. B-O-U-T. Bout. À moins qu'il y ait une erreur, là, mais j'étais sur un moteur de recherche présentement, mais le bum a été plus rapide que moi. Ah, le bum, il tire partout. Il est l'enfer. Et si quoi? D'ailleurs, le bum, si vous avez entendu la petite promo, est de retour dimanche. Et maintenant, c'est officiel. Depuis deux semaines, il est live, en direct. Vrai du vrai de vrai oh direct. Yes. Il y a son fan club, il y a son Yves Landry à côté. Ben là, je sais pas s'il va l'avoir toutes les semaines, mais son frère était là à côté de lui pour l'appuyer la semaine passée. Il était là, son Yes Man était là, puis ça allait bien. Donc, le bum de retour et la rediffusion ce soir après l'émission à 23h. Sinon, ne manquez pas de DJ Double B si vous aimez un peu plus le style DJ Club Mix sur XL Track, vous allez avoir tout ça. Et sinon, sur radiosphere.ca, il y a autre chose aussi. Et sur Franco Radio, l'excellente musique qui continue. Donc, c'est plein de bonnes choses, puis tout dépendamment de ce que vous aimez. Il y en a pour tous les goûts. Donc, on s'en va maintenant faire un petit tour. Ben là, c'est un petit segment politiquement M, là, mais ça va être surtout un petit segment politiquement français, finalement. Cette semaine, je voulais vous parler de la chire du français. Une fois de plus, on a eu le droit à toutes sortes de remontrances de plein de monde qui pensent que le français va très mal au Québec, alors que Statistique Canada a dévoilé des statistiques, justement, qui sont assez contradictoires. Donc, on va surveiller ça, on va regarder ça avec vous, chers amis, et on va voir ce qu'on a dans les dernières données de du recensement de 2006 de Statistique Canada. On apprend que les Québécois, notamment les immigrants et les anglophones, travaillent de plus en plus en français. Oui, mesdames, messieurs, contrairement à ce qui est marqué dans le Journal de Montréal depuis trois semaines, un mois, le léger glissement du français langue maternelle décrit dans un rapport précédent qui a suscité et ressuscité le débat linguistique, même si ce glissement était l'effet normal d'une immigration accrue. Évidemment, depuis quelques années, puisque nous ne faisons plus d'enfants, il est important d'aller chercher des immigrants. Et puisque nous avons des immigrants, surtout dans la région de Montréal, c'est normal que ces immigrants-là parlent moins français, du moins pas en arrivant ici, parce que, écoute, ils arrivent, là, tu sais, souvent c'est des anglophones ou d'un autre langage qui ont pas justement la langue française avec eux. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'après deux ou trois générations, c'est bien évident que ces jeunes-là, les enfants de ces générations-là, vont avoir appris le français beaucoup mieux que leurs parents, parce que on s'entend que quand tu arrives ici à l'âge de 52 ans, ta priorité, c'est de te trouver une job. Là. Avant de parler français, ça va être de vouloir travailler au plus sacrant pour te payer un logement au plus sacrant, puis peut-être même t'acheter du linge et des souliers. Parce que des fois, tu viens d'un pays où tu n'as pas de souliers. Fait que c'est important, plus que de parler français, d'avoir des souliers dans les pieds. Mais ça... Oups, attends un peu. Vas-y donc, va. Non, attends un peu. Vas-y donc. Voyons, t'es lequel, toi? Ça, celle-là, moi. Ah non, c'est lui, excuse-moi. C'est parce qu'on a tous changé les micros de bord, là. Oh, OK. Je dis, la majorité des pays qui ont pas de souliers, ces pays-là, c'est ceux qui les fabriquent. Ouais, souvent, en plus, c'est ça qui arrive. En général. Fait qu'ils pourraient s'en ramasser une paire avant de s'en venir, mais en tout cas. On dit que la mondialisation a beau nous mettre en contact avec presque à tous les jours avec l'étranger. On vit ça dans beaucoup de travail maintenant. Soit que ce soit pour passer des commandes ou parler à des clients, tout ça. On dit que les Québécois francophones ne sont pas davantage obligés de parler français. 96% d'entre eux utilisent surtout leur langue maternelle au travail. Je rappelle que c'est 96%. Là, le 100% absolu, là, c'est impossible à avoir non plus, là. On dit aussi que 31% des gens utilisent l'anglais régulièrement, une proportion identique à celle qu'on avait notée en 2001. Autrement dit, côté anglophone, ça n'a pas vraiment changé, mais la grosse augmentation, c'est le français, parce qu'avant, il y a quelques années, c'était en 2001 aussi, c'était autour de 91% des gens qui utilisaient le français dans le cadre de leur activité de travail, alors que là, c'est tombé à 96%, ça a augmenté. Fait que c'est pas en régression, là, c'est tout le contraire. Là. On dit, dans l'île de Montréal, c'est sûr, c'est un peu particulier. Aucun dit qu'en voie d'anglicisation, mais toutefois, il y a 9 travailleurs sur 10 qui utilisent le français le plus souvent ou régulièrement. Encore là, ça l'a augmenté parce qu'en 2001, c'était 65%. Fait qu'encore là, il y a eu du galvaudage des statistiques, surtout de l'Office de la langue française qui s'est amusé avec ça. Puis là, Pauline Marois, justement, qui est partie sur une chire, là, eux autres, ils ont leur congrès la semaine prochaine, puis là, ils veulent passer d'autres lois sur le français, et puis passer aussi, enlever la fameuse clause du référendum, tout ça, mais là, on reviendra peut-être un peu plus tard sur ce dossier-là. On dit aussi que les conclusions du rapport de Statistique Canada devraient faire réfléchir le Parti québécois qui propose d'imposer à des milliers de PME québécoises des obligations de la loi 101. Parce qu'avant, les obligations de la loi 101, c'était pour les grandes compagnies, de plus de 1000 employés ou des grosses compagnies comme ça. Et là, on obligeait ces compagnies-là à avoir des comités de la francisation, des programmes de francisation. C'est des affaires qui coûtent quand même assez cher. Une grosse compagnie peut se le permettre. Ouais, mais c'est ça. Mais les petites... Tu peux mettre un comité de francisation d'une bénerie. Mais là, tu vas-tu prendre 2 employés à temps plein pour ça? C'est ça, marche pas. Là. Mais eux autres, ils veulent l'imposer, là. C'est une des démarches qu'ils veulent faire s'ils tombent au pouvoir aux prochaines élections. C'est dans leur mire. OK. Ensuite de ça, l'Office de la langue française. On dit tout d'abord, la francisation des langues, des grandes entreprises est un succès après 30 ans. On souligne trop peu souvent qu'au Québec, ça s'est amélioré. Puis ça, tu vois, ça vient de l'Office de la langue française, sauf que je sais pas pourquoi les journalistes, ils en parlent pas quand c'est des bonnes nouvelles. Ils veulent tenir sa mort. Toujours. Parce que quand tu dis que ça va bien comme ça, ça nuit au Parti québécois, qui eux autres, ils se servent de ça pour se faire élire, entre autres. Ils font peur un peu aux gens, comme quoi que notre français est en train de dépérir et tout ça. Alors que c'est pas ça qui se passe. La langue de travail dans les nouvelles entreprises qui ont gagné des prix de l'Office, entre autres, Coop Mountain, Walmart, les méchants Walmart, ont gagné des prix parce que c'était une des entreprises qui faisait le plus d'efforts pour franciser ces entreprises. Bell Hélicoptère aussi, que Guy Lafleur est porte-parole. En fait, ils livrent même des hélicoptères aux États-Unis, je pense. C'est une des compagnies aussi qui s'est illustrée beaucoup dans ce domaine-là. Donc, ça continue, les compagnies qui font de grands efforts, parce que même si il y a des lois obligatoires, il y a beaucoup de compagnies qui en font plus que qu'est-ce qui est exigé par les lois. On a-tu un breaking news? Ah, c'est Kim Saint-Pierre. Ben oui, en live. Qui explique, c'est-tu par rapport à la game de... Par rapport à Daniel Sauvageau. Là, ah, OK, ses réactions, là. Ouais. Je sais pas si on peut... Ah non, ce serait... Non. En tout cas, on va appoigner... Non, c'est pas grave. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est maintenant connu que les immigrants qui effectuent un transfert linguistique choisissent plus souvent le français qu'avant. Ça aussi, c'est une statistique qu'on tient mort, mais les gens qui arrivent au Québec ici, les premiers temps, ils ne parlent pas le français, mais quand ils choisissent une nouvelle langue, au Québec, ils choisissent le français. C'est normal aussi, parce que si tu veux pousser dans une job, puis devenir chef plongeur, mettons, ben il va falloir que tu aies des des bases de français pour progresser dans ton entreprise. Parce que si tu parles juste anglais, c'est vrai que tu peux trouver une job juste en anglais. Ah, il y en a. Oh oui. Sauf que tu vas être capé à une certaine limite. Là. Tu ne pourras pas gagner 70 000 de... Autant que celui qui parle juste français. C'est la même chose. Il est plus pire un peu, lui. Oui, parce que là, cette limite... Je pense que l'anglais est un peu plus international, mais tu sais, il faut... Ça prend les deux. Ben, idéalement. Tu veux progresser. Regarde, nos parents, ils nous le disaient quand on était jeunes, puis là, c'est plus en plus vrai. Puis probablement que nos enfants ou les petits-enfants, eux autres, ça va être trois langues. T'sais. Dan, si on recule, là, quoi, 15 ans, 10-15 ans, on disait que le monde qui était pas capable de faire fonctionner un ordinateur dans le futur, c'était comme des analphabets. Des illettriques. Ah oui. Puis là, on le voit aussi. D'ici 10-15 ans, ceux qui parlent pas deux langues ou trois langues, ça va être des illettrés d'il y a peut-être 25-30 ans. Là. On est rendu là. Oui, c'est la mondialisation. Exactement. Tout le monde voulait les marchés ouverts, mais ça vient avec un package. Fait que là, ça te prend des langues. Là. C'est ça. Puis ben vite, ça va être le mandarin qu'il va falloir. Parce que eux autres... C'est lui là, qui est en train de planter l'anglais. Là. Ils vont gauler tout à l'heure. C'est ça. Mais pour l'instant, les Chinois parlent anglais, donc profitons-en, parlons anglais. Profitons-en. Mais ça ne durera peut-être pas tout le temps. Non, on dit... le bilan indique que les éléments clés de la culture québécoise francophone, tels que la langue française, les produits culturels comme Virginie et Marie-Mé, sont davantage adoptés par les nouveaux arrivants et leurs enfants au foyer. Ça, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Non. Mais en tout cas, tout ça pour dire en tout cas qu'ils s'y collent à cette fameuse culture du Québec, même si on pense que tout est en train de dépérir, puis que d'ici 3 ans et demi, on ne parlera qu'anglais au Québec, je pense que c'est faux. Non, c'est faux, certain, là. On dit que le portrait d'ensemble ne verse pas dans le jovialisme, ni ne pêche dans le pessimisme. Autrement dit, on veut juste qu'il y ait le gros bon sens là-dedans, c'est qu'il y a des pour et des contre. C'est ça. Mais ça donne un portrait d'ensemble plutôt favorable. Ça, c'est les chiffres de Statistique Canada qui dit que, dépendamment où on se trouve, c'est sûr qu'à Montréal, c'est un petit peu différent, mais encore là, il y a une grosse amélioration même à Montréal. Mm-hmm. Fait qu'à partir de là, qu'on nous dise là que ça va mal, puis ça prend absolument des renforcements de la langue française, je dis ceci, c'est qu'on a d'autres chose à s'occuper que de ça présentement. De bien plus prioritaire. Bien plus. Puis les efforts sont là. C'est pas vrai qu'on fait rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. T'sais. Bon, oui, faut pas trop laisser aller ça, mais les mesures qui devaient être prises ont été prises. C'est ça. C'est correct. On va gérer d'autres affaires, pas mal plus important, comme tu dis, Dan. Mais moi, c'est drôle, c'est drôle parce que j'ai eu une conversation avec un client un peu plus tôt ce soir, justement par rapport à ça. Lui, il était très inquiet. Ah oui. Il y a de la misère justement avec ce que tout le monde parle la même langue pour pouvoir communiquer, comme on conviendrait que ça serait l'anglais. Okay. Il y aurait bien la difficulté de ça. Il veut garder son patrimoine linguistique. Ça, c'est correct. Ouais. Mais c'est que lui, il se sent envahi comme personne. OK, là, c'est une personne parmi tant d'autres, mais ça témoigne d'une certaine crainte parce que le français, il y en a de moins en moins dans le monde qui le parle à chaque jour. Puis ça, c'est une statistique, peu importe les autres qu'on va sortir, c'en est une qu'on peut pas oublier non plus. Puis si on parle moins en moins de français, un jour ou l'autre, ça va devenir une langue morte. Ça va devenir au point où c'est une langue morte, où ça donnera plus rien de l'apprendre. Puis, elle va disparaître. Chris, le créole, il y a un pays dans le monde qui le parle. Puis, la langue existe encore. Ouais, mais combien il y a de personnes dans le monde qui le parlent, le créole? C'est ça, c'est plus ça qu'il faut que tu regardes. Ouais, mais je veux dire, la langue en tant que telle mourra pas. Là. C'est sûr que il va y avoir des changements. C'est normal aussi, garde le latin, à un moment donné, a disparu. Voilà. Il a fait place à autre chose. Oui, mais le latin, quand tu y penses, c'est la mère de d'au moins 3 ou 4 langues. En tout cas, du français. Ouais, du français, de l'espagnol, de l'anglais. C'est toutes des langues qui sont tirées du latin, puis que si tu connais le latin sur le bout de tes doigts, tu maîtrises quasiment ces trois anglais. Mm. Tu te débrouilles bien, ouais, c'est ça. Tu te débrouilles, puis tu peux bien comprendre, tu sais. En tout cas, ça va être plus facile à les apprendre. Ah ouais, beaucoup plus facile. Puis cette langue-là a juste disparu comme ça parce que faute à ce qu'il y ait du monde qui en parle, tu sais. Mais moi, j'ai pas vu la personne avec qui t'as parlé. Probablement, sans l'avoir connu, sans savoir c'est qui, je peux te dire probablement que c'est une personne qui était au-dessus de la quarantaine. C'était une personne qui probablement, si tu fouilles un peu, ne parle pas français, ne parle pas anglais. Et puis ça, tu vas voir, dans 95% des cas, ces personnes-là qui sont inquiètes, c'est parce qu'ils parlent pas, enfin, ils parlent pas anglais. Oui, ça je suis d'accord avec toi, mais il y a pas... Je m'excuse, mais il n'y a pas personne qui doit t'obliger à parler 2-3 langues. Non, sans t'obliger. Non. Non, mais dans le sens que... Ça peut être... Moi, ce que je comprends de son point de vue, c'est que lui, il se dit, moi, on me dit que le Québec, c'est chez nous, puis que j'ai le droit de parler ma langue maternelle. Ah oui. Puis que j'ai le droit d'avoir tous les services puis de vivre convenablement avec ma langue maternelle. Oui, c'est tout à fait. Puis c'est... Puis sérieusement, faut pas chercher loin pour pas se faire servir dans notre langue maternelle, là, ici au Québec. Là. Je veux dire, à Montréal surtout, là, d'accord, là, c'est sûr si tu vas en Abitibi, c'est correct. Là. Mais même des endroits comme, mettons, on prend les fameux dépanneurs, là, souvent ça revient à Montréal, mm-hmm. ils parlent pas en français, je m'excuse, là, mais ça il est, là, même si la personne c'est te ça. Parle en anglais, toi tu lui parles en français puis elle va te comprendre. Là. Elle va te répondre en anglais, mais elle va comprendre ton français. Ouais, mais si toi tu comprends pas l'anglais, disons que c'est toi, disons l'handicapé entre les deux, tu comprends pas l'anglais puis que c'est pas un défaut là de pas comprendre l'anglais là c'est dans le sens que t'es pas obligé là de connaître l'anglais quand t'habites au Québec normalement là. Ben encore là c'était plus vrai il y a 15 ans avec mais la mondialisation ça évolue là mais en fait c'est que t'es obligé parce que si t'étais allé à l'école c'est comme c'est une matière que t'es obligé d'avoir passé pour avoir ton diplôme d'études secondaires ouais. Mais non, on peut pas dire obligé tu sais c'est comme quelqu'un qui a pas son permis de conduire là. Mm-hmm. Mais il peut conduire pareil, là. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir ton permis pour conduire. Ben, dans le sens que si tu te fais arrêter sans permis de conduire, oui, mais t'es ça pas obligé. Coûte cher. Ben. C'est la même affaire. Non, t'es pas obligé, parce que peut-être que tu vas pas pogner, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est ça, fait que tu peux pas obliger quelqu'un disons... à parler anglais comme tu dis. Ouais, mais il y a une loi. À un moment donné, c'est que t'as pas le choix. Ouais, mais. Si c'est rendu là, puis je veux dire, c'est ça, t'as plus le choix, sinon tu te fais pas comprendre. C'est parce qu'ici, c'est pas ça, ça qu'on dire... n'oblige pas les gens à parler anglais, on oblige les gens à parler français, par exemple. Tu sais, c'est ça non, l'affaire, c'est ça. Que ça marche des deux bords, c'est... ça. Ouais, mais parce c'est... qu'on est encore d'un pays qui est bilingue, à ce que je sache. Même oui. Si bien du monde dit que c'est impossible un pays bilingue, il y en a d'autres ailleurs. Non, en fait, la loi 101, comme est venue quasiment dire que la Québec, c'était une province francophone, tu sais. Ouais, puis, sauf qu'en même temps, tu peux pas renier les gens qui sont ici, qui habitent ici depuis des générations et des générations. Ou du monde qui viennent d'ailleurs, puis qui payent les impôts, puis qui viennent ici donner un coup de main. Une compagnie, mais maintenant... Des médecins qui arrivent ici, puis qui viennent nous aider, il y en a beaucoup, tu sais. Mais c'est ça. Tu peux pas les empêcher de parler anglais dans leur maison chez eux, puis quand ils déambulent dans la rue, ils peuvent parler en anglais. Ben, c'est ça, puis moi, regarde, je suis pour ça qu'on essaye d'aller chercher de l'immigration du côté francophone quand c'est possible. Ben oui, mais il faudrait pas commencer à se fermer non plus aux autres à cause qu'on dit, à cause de la langue, on les prend pas. Ça, je pense que ça serait de montrer qu'on est fermé, justement, sur le monde. Comme on dit, rendu en 2008, la mondialisation a fait son travail. Plus ça va, plus c'est globalisé, que ce soit dans tous les domaines possibles et impossibles. La planète a rapetissé année après année, là. Ouais. Puis mais... si on fait rien, je comprends, on peut pas obliger le monde à parler anglais, mais par contre, je pense c'est le rôle du gouvernement d'inciter les gens à parler une deuxième langue pour le bien de tout le monde, parce que c'est lié à l'économie. C'est culture générale, puis c'est lié à l'économie mondiale, puis point à la ligne. Il y a plein de compagnies, il y en a qui viennent s'installer dans le coin de Québec, puis ils ont de la misère à ramasser du monde bilingue. Ben, on a un gros avantage, c'est qu'on parle français. Il nous manque un petit plus pour aller chercher une autre langue qui est facile à apprendre pour nous autres, comparé à un anglophone qui veut apprendre le français. Là, on s'entend que c'est pas mal plus dur d'apprendre le français que l'anglais. Exact. Nous, on a l'avantage de l'avoir en partant le français. C'est pas vrai, ça, que c'est bien difficile d'apprendre l'anglais. Si on aurait des cours de qualité ou une immersion, comme on parlait l'autre jour, l'immersion de sport, entre autres. Exact. C'est une question d'une couple de mois, bien souvent, qui vont donner un boost, plus que de suivre pendant des années de temps une demi-heure de cours d'anglais avec un prof d'éducation ou un prof de mathématiques. Qui le gars, c'est même pas un anglophone, là. C'est juste qu'il y a des crédits qui restent, faut le caser quelque part. On dit, tiens, tu vas leur apprendre l'anglais. Il met des films. Puis là, le gars met des films ou des séries télé, tu sais, je veux dire, c'est basic, là. Puis regarde, tu peux même pas avoir la bonne prononciation parce que ton prof, il l'a pas. Mais non. Fait qu'à partir de là, c'est de se monter une histoire de même, tout croche. Tu te bases sur des mauvaises bases. L'idée est bonne d'apprendre l'anglais, mais tu sais, moi, en tout cas, je serais pour ça que, sans être obligé, ben, quoi que même à ça, pour les jeunes, je pense que ce serait une bonne chose de donner comme le goût d'aller chercher, parce que, regarde, toi, tu lis l'anglais, mettons, sur le net. Ouais. On s'entend-tu que les sites les plus pertinents et intéressants, souvent, il va falloir t'aille fouiller en anglais pour trouver ton information. Oh, c'est sûr. C'est sûr que tu peux en avoir en français, mais tu te limites, tu fais juste, tu sais, tu limites ton champ un peu. Fait que c'est d'ouvrir un peu les frontières pour ces jeunes-là aussi, de leur donner une langue, tu sais. Mais moi, ce qui me fait peur, moi, personnellement, là, en même temps, c'est une bonne chose, ok? C'est pas une mauvaise chose, mais ce qui me fait peur, en fait, c'est plus mon orgueil qui est attaqué, c'est que il y a des gens qui vont arriver ici, du genre africain, puis qui vont mieux parler français que moi. Oui, mais ça, c'est gênant aussi. On a déjà, là. C'est ça, là, OK? C'est la majorité. Et puis, écoute, c'est, je trouve ça, en même temps, d'entendre des gens bien parler français puis bien s'exprimer français comme ça, mm-hmm. avec des bons mots, des bonnes conjugaisons, mm-hmm. avec un vocabulaire riche, des belles phrases, puis c'est agréable à avoir une discussion avec ces gens-là, mm-hmm. parce que, tu sais, ils sont capables d'exprimer leur point en plus. Oui. Là, tu te dis, crime, comment ça se fait qu'on est ici? Nous autres, déjà, dans notre français, on a de la difficulté à parler, puis on fait plein de... Donc, ça fait, man, c'est ça. Il y a déjà juste la différence... Moi, je pourrais dire ça. La différence d'accent, la différence de vocabulaire entre le gars qui habite à Montréal, puis le gars qui habite en Abitibi, puis le gars qui habite en Abitibi, puis le gars qui habite au Saguenay, c'est toutes des choses... C'est des choses que... Ça s'applique pas là, dans leur cas. Eux autres, c'est un français international que tout le monde comprend. Là, tout le monde parle français. En France aussi, ils ont des accents. Oui, mais c'est ça. Oui, oui. Dépendamment des régions. C'est juste que... Ouais. Comment ça se fait que... C'est du monde qui ont comme appris, c'est pas leur langue maternelle, là, on s'entend, mm-hmm. c'est quelque chose qu'en les colonisant, ils ont appris le français. Souvent, oui. Oui, donc c'est comment ça se fait que ces gens-là, ils savent mieux parler que nous autres? Ben, probablement, c'est ça, c'est que les intérêts pour la langue, parce qu'il y a des études aussi qui prouvent que ces gens-là, souvent, ils parlent le français, ils vont parler d'autres langues aussi, puis en apprenant d'autres langues, ton cerveau se forme à ça, il devient comme plus, ça devient comme plus facile pour lui de raisonner dans les langues. Que ça soit une langue française, anglaise, à mesure que tu vas apprendre des langues, tes prochaines langues vont être plus faciles à apprendre pour toi, parce que, à quelque part, une structure de langue, c'est pas les mêmes mots, mais tu sais, c'est sujet, verbe, complément. À force de jouer avec ça dans plein de langues, ton cerveau se forme, puis ça va avoir une influence positive sur ta langue maternelle. Ça aussi, faut regarder les immigrants, justement, ceux qui parlent français, ils ont peut-être souvent aussi une autre langue qui est une langue plus un dialecte de leur pays d'origine. Et puis tu creuses souvent, regarde, des Européens, là, c'est pas rare que tu vois trois langues. Là. Les Italiens vont parler souvent le français, l'italien ou l'anglais. Les Allemands, c'est la même chose. Les Suisses, ils ont le français, puis le Suisse-allemand aussi dans leur pays. Souvent, eux, par la proximité des pays puis des peuples qui ont autour d'eux, ils n'ont pas eu le choix de développer plusieurs langues parce qu'ils se promènent beaucoup plus que nous qui sommes dans un pays qui est à majorité anglophone, puis que nous, de notre bord, on a du français un peu. C'est sûr que dans ce temps-là, ils ont un avantage sur nous. Sauf qu'en tout cas, moi, je pense qu'il faut pas se fermer à ça. Non, mais c'est juste que nous autres, on se targue de dire c'est notre langue maternelle, c'est notre patrimoine, c'est ici, c'est ça. Puis il y a du monde qui peut venir nous faire la barbe. Ah oui, bien ça. Ça, écoute, on devrait plutôt se regarder puis se dire, bon, ben on sait notre langue, là, ben on va bien la traiter. Ouais. Puis juste dans la discussion qu'on a depuis tantôt, je peux même pas imaginer le nombre d'erreurs de français qu'on a pu faire. Ouais, par contre, il n'y a eu aucun sac. Mm. Ça, c'est bon. Ben non, t'as l'air qu'il y en a plein. Ah ouais. tu viens d'ouvrir la hostilité. Non, mais donc c'est ça. C'est sûr que le français, si on y fait pas attention, c'est une langue qui est destinée à mourir. Si c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 50 ans. Non, je crois pas. Je crois que c'est une langue qui va rester artistique, vivante artistiquement, mais c'est une langue dont le dialecte va disparaître. Ça va remplacer d'autres choses. Comme le créole a pris de l'espagnol, du français, puis de la... Ouais, des mélanges de langues, là. Ouais. En tout cas, moi... des French kiss. En tout cas, fait que c'est ça, je pense qu'on va closer pour le français, mais tout ça pour dire, fouillez un petit peu, là, regardez ça, les statistiques de Statistique Canada, puis mettez ça à côté de ceux-là, de nos journaux, puis de ce qu'on sort à l'Office de langue française, puis vous allez voir qu'il y a quelques petits glitchs intéressants. Là, on va passer une toune rapidement, puis après ça, on va embarquer sur ton bloc, je pense, Guillaume. Parfait, ça, c'est bon? Oui, yeah. OK, fait qu'on s'en va écouter c'est... Garbage... L'évidence. Ouais, c'est ça, étant donné qu'on fait un peu de poubelle Trash radio. Du trash radio. Donc, on continue notre spécial Ladies Only, des voix féminines. Lady in Red. Ah, oh, c'est bon, ça, non, pas avant tout. Non, c'est peut-être l'année prochaine. Peut-être. On sait pas. Écoutez ça, on revient tantôt avec Mr. Girl. Let's go! des infos. We all know why we're here. Why is that, Grandpa? So you can get young boys? No, why is it? Why are you here? We're here because we all have a purpose in being here. And that purpose is to say, fuck the FCC! Fuck them! All right, Grandpa, get out of here. Oh, man. Oh, man. And they call us outrageous. I don't know. We're going to go sedate Grandpa. On April 24th, 1987, an anti-censorship rally was held in support of the Howard Stern Show. Over 5,000 people attended the gathering outside the United Nations. On est partout dans le monde. On est international, comme on dit, ou international. International, ici. Parce qu'on est à Rome. On est à Rome depuis trois soirs maintenant. Arrivederci, Roma. C'est bien. Goodbye et au revoir. Vous savez qu'est-ce que c'est que cette chanson-là? Arrivederci, Roma. Oui, c'est la chanson de. Ah ah. De. Thème des Jeux Olympiques de Rome 1960. Voilà. Oh, ok. Wow. C'est notre propre faute que nous avons créé présentement une société qui a rien là, quoi ça donne, je m'en fous, dans mon cul, il continue, et ça va continuer comme ça, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi? Parce que nous avons entretenu la médiocrité. Ça vaut pas la peine, il a couru partout, ça a de l'âge, il a frappé deux, trois, pogné une punition pour UDEF, et qu'on l'a tué. Ouais. En direct de nulle part! Avec votre hôte, Mr. M. Monsieur Massicotte. Et toujours en direct de nulle part avec ce super bed de Pourquoi Jean-Luc Mongrain. C'est bon. Le entretenu, la médiocrité. Le seul et unique, le vrai. Une société. GC. Double GL. Hey, donc ce soir, Mr. Guy est avec nous. Ben oui, ben oui, comme à tous tous les vendredis, je suis avec vous. Je vais vous entretenir ce soir de cette magnifique journée de la femme qui aura bien séance demain, c'est-à-dire d'ici 1h30. Ouais, 1h30, c'est officiellement la journée de la femme. Alors félicitations mesdames. Bravo. Énième année consécutive, on célèbre le 8 mars comme étant la journée de la femme. Et surtout une grande évolution depuis 1960. Ouais. Oui, oui, oui. Et puis, j'ai quelques statistiques qui remontent à plus loin que ça. Okay. On voit qu'il y a quand même eu une bonne petite évolution. Oui, le droit au vote, le droit d'aller dans les bars. Mais il y a encore du chemin à faire. Oui, encore. La fin donc, est arrivée. Juste pour parler un peu de la journée de la femme en tant que telle, la journée, c'est le 8 mars, donc c'est demain. Ça a été officialisé par les Nations Unies en 1977. Ah. Bon, donc, ça date bien avant ça, mais bon, cette journée-là, bon, bien sûr, ça sert aux femmes pour faire valoir leurs droits, revendiquer leurs droits en tant que femmes à l'égalité envers les hommes, et bon, l'égalité, que ce soit salariale ou juste de statut social, qu'il n'y ait aucune discrimination par rapport à leur sexe. Et la fête était-tu, cette fête-là, en Afghanistan, en 2001? Non, je pense pas qu'en 2001, ça a été inscrit au calendrier. Ouais. Ils ont comme oublié de l'inscrire au calendrier. Calendrier comme la Saint-Jean-Baptiste. Ça a-tu fait un gros tollé? Oui. Donc, je veux juste faire un petit historique. La création de la Journée internationale de la femme a été proposée en 1910 par une femme qui s'appelle Clara Zetkin. C'était une révolutionnaire socialiste. À l'époque. Ouais, à l'époque. Donc, c'était une Autrichienne. Je sais pas son origine. Donc, en tout cas, cette dame-là, elle a déposé la demande pour que cette journée-là soit officialisée. Puis bon, ils ont commencé dès 1910 à fêter cette fête-là, en fait, en groupe révolutionnaire. Mm-hmm. Et en 1911, il y a déjà des révolutions, ouais, mais des manifestations surtout en Europe de l'Est, en Europe centrale aussi, Autriche, Hongrie, Danemark, la Suisse, l'Allemagne, puis par la suite la France et le reste de l'Europe ont emboîté le pas. Mais c'est vraiment avec en 1917 qu'avec une grosse grève ouvrière de Saint-Pétersbourg. Oh, c'est une Allemagne. C'est une Allemande. Une Allemande. Ah, ouais. D'accord. Que, bon, c'est ça. Vraiment, avec cette grève-là, en 1917, c'est inscrit dans une des révolutions russes. Donc, c'est avec cette journée-là, le 8 mars, à partir de là, que vraiment, ça a commencé à être une journée importante dans le calendrier. Donc, après la première, Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu une journée qui était comme à caractère international. Ouais, c'est ça. Donc, il y a quelques dates importantes à retenir. Donc, 1910, c'est à Copenhague que la dame a déposé son grief, si on veut. En 1911, il y avait 1 million de femmes qui manifestaient en Europe. Donc, juste vous dire, en 1915, les femmes à Oslo défendent leurs droits et réclament la paix. C'était des manifestations là qui n'avaient pas lieu avant. C'était les femmes qui descendaient dans la rue comme ça. C'était rare, ouais. Puis c'était en temps de guerre, donc c'était pas mal eux autres qui avaient le gros bout du bâton, puis qui avaient l'idée de payer aussi parce que les hommes étaient partis au front. Donc, en 1924, la journée est célébrée en Chine pour la première fois. Juste 1921, Lénine décrète le 8 mars la journée des femmes. Oh. Donc, Lénine a été un des premiers États. C'est surprenant. En 1971, pour la première fois, la journée est célébrée au Québec. On était un petit peu en retard, hein? Comme toujours. Ouais, c'est ça, oui. Toujours. 1977, les Nations Unies ont officialisé la Journée internationale de la femme. Et donc l'ONU est en retard là-dessus pas mal. Oui, ben écoute, 1982, statut officiel de la journée en France. C'est les derniers. France, c'est vrai que la France a tout le temps été considérée comme un pays macho. Ouais. Petite particularité, donc au Burkina Faso, en Algérie, au Laos et en Russie, en Biélorussie, la Journée internationale des femmes, c'est une journée fériée. Mmh. Oh. Les gens ne travaillent pas. Juste les femmes ou tout le monde? Je pense que c'est une journée fériée pour tout le monde, hein. Non, c'est correct. On devrait l'adopter ici aussi. Ouais. Ouais, on devrait. On ça devrait. Presse. Le 8 mars. Quoi que ça tomberait quoi, là? Samedi. Ouais. L'autre fois, ça bouge une journée, là. L'année prochaine, ça va être dimanche. On va prendre 2 ans avant d'avoir notre congé, là. Laisse faire ça. Dans deux ans, préparer le monde à ça. Alors, cette énième journée internationale de la femme, cette édition 2008, le thème de cette année, c'est investir dans les femmes et les filles. Donc, investir dedans. Investir dedans. Non, quand même. Ben, c'est ça que t'as dit. En tant que groupe, pas individu. On parle pas de faire des dépôts. Désolé. Alors, c'est ça. Alors, le thème, c'est ça, investir dans les femmes et les filles. Et les filles, voilà. La situation... non, okay, là, quand même. Là. Quand même, Pat, là. Pat! Alors, selon la situation actuelle dans le monde, l'estimation de la Banque mondiale estime que 64% des 867 millions d'adultes qui ne savent pas lire aujourd'hui sont des femmes. C'est quand même beaucoup, hein. Ah. De plus, la majorité des 113 millions environ d'enfants, 113 millions environ, ouais, d'enfants âgés de 6 à 11 ans non scolarisés sont des filles. Donc 113 millions d'enfants non scolarisés, il y en a de 6 à 11 ans sont des filles. Ben, et des recherches montrent que 60% des jeunes non scolarisés sont des filles. Ouais, en tout et partout dans le monde. Ça, c'est les pays rétrogrades, là, comme on parle d'Arabie, là. Justement, j'avais préparé un petit dossier dictature, là. En Arabie Saoudite, je m'excuse, là, mais les femmes sont traitées comme de la marde et moins, là. Il y a plusieurs pays de même que, justement, où ce que, on dit qu'il n'y a pas de démocratie beaucoup. Les femmes, c'est pas encore rendu très, très évolué pour eux autres, là. Les droits qu'ils ont, là, ça fait dur. Ouais, c'est ça, mais c'est le cas. Ça va jouer dans la statistique mais un peu. C'est ça. Comment je pourrais dire ça? C'est facile des autres dépointer du doigt parce que c'est vraiment apparent, puis c'est vraiment, c'est quelque chose que tu peux pas, mais ici, ça reste assez subtil, hypocrite. Ouais, mais... C'est une discrimination, ça a pris d'autres genres de tournants. Mais je parle de l'Occident, ici, là. Regarde, on parle de l'Occident, là, on va parler du Canada, là. À check dans les universités présentement, là, les éduqués puis les pas éduqués, ouais, là, c'est les femmes qui sont. J'ai des statistiques là-dessus, justement. Je vais en revenir plus tard. Okay. Justement, en parlant des femmes instruites, les femmes instruites ont tendance à avoir moins d'enfants, OK, mais sont en meilleure santé. Ces enfants-là vont être susceptibles, d'être plus scolarisés. Et l'éducation augmente également la capacité des femmes et des filles à se protéger contre le sida. Ça, c'est quand même un fléau mondial, surtout en Afrique. C'est quand même grave là-bas. Selon encore les estimations de la Banque mondiale, une augmentation de 1% du nombre de femmes ayant reçu une éducation secondaire conduit à une augmentation de 0,3% du revenu par habitant. Donc, c'est dire que quand les femmes travaillent, il y a plus d'argent qui rentre dans les coffres, c'est évident. Ben oui. Mais c'est ça profite à tout le monde aussi. C'est pas juste. Non, c'est ça. C'est la société en général. Exact. Qui en profite. La société en général profite du fait que les femmes aient les mêmes droits que les ouais. hommes. Donc c'est à peu près ça. J'ai qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, donc il y a plusieurs plans. Vous pouvez aller voir le site des Nations Unies qui vont parler en détail de la journée de la journée de demain. Mm-hmm. Mais là, ce qui est intéressant, c'est les statistiques que j'ai sorties. Juste me les retrouver. Oui. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Juste vous dire aussi en terminant un peu avant d'arriver sur les statistiques, les objectifs de cette année s'inscrivent depuis 2005 avec les objectifs du millénaire qui ont été décrétés lors d'un méga sommet en 2005. Okay. Juste vous rappeler les 8 points du sommet. En fait, moi j'aurais appelé ça le sommet du gros bon sens là, mais bon. Le premier point, c'est réduire l'extrême pauvreté et la faim. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Éducation primaire pour tous, le primaire, ok. Égalité et autonomisation des femmes. Donc, c'est dans cet article-là, s'inscrit la femme de cette année. Réduire la mortalité infantile. Oui, ouais. C'est sûr, si on veut prospérer. Hein. Améliorer la santé maternelle. Si nos mères vont bien, ben la santé de nos enfants risque de bien aller aussi. Exactement. Combattre le VIH, le sida et les maladies... Encore là, dans le tiers-monde. Et voilà. On s'abstient. Ouais. Fini. Assurer un environnement durable, le 7e point, qui est quand même aussi, si tu peux pas respirer, ça donne quoi d'avoir une bonne santé. Aussi. Et le dernier, c'est mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Ça, c'est pas fait encore, là. Non, c'est vague. Mais un partenariat mondial pour le développement, ça veut dire que... C'est pas demain la veille que ça va arriver. Non. Donc, il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Comme je sais qu'ici au Canada, on a adopté une loi anti-pauvreté. Là. Mm-hmm. C'est des belles histoires de politiciens. Mais une fois que tu regardes le résultat de ces lois-là, puis la façon dont ils prennent au sérieux, tu te dis, c'est bien beau parler de ça, mais si l'action suit pas après, c'est bien dommage, mais ça sert pas à grand-chose. C'est qu'il va falloir à un moment donné que les politiciens, puis c'est pas juste ici, là, ça va être au niveau mondial, qu'on s'assise, puis vraiment qu'on veuille travailler là-dessus pour débloquer la situation. Parce que là, c'est bien beau des lois anti-pauvreté, là, mais à quelque part aussi, c'est dur aussi de régler ce problème-là. Là. Mais en tout cas, je trouve ça des fois un peu hypocrite des gouvernements. Pour se laver les mains, ils votent des lois de même, mais le lendemain matin, ils font rien pour les appliquer. Là, ouais. Ça, c'est. Mais ça, toujours, ça a toujours été. C'est juste la poudre aux yeux qu'ils font. Là. Ouais. Je vais vous bourrer un peu le crâne avec des statistiques pour voir un peu comment ça se passe ici au Québec. Bien mieux que des statistiques. Donc, il y a tout ça sur le site de la condition féminine. Vous pouvez trouver ça. C'est beaucoup plus détaillé. Donc, le taux d'emploi pour les hommes et les femmes de 15 ans et plus. Donc, en 1976, les femmes occupaient 37,4% du marché du travail et les hommes 70,5%. En 2005, ça a passé de 55,5% pour les femmes et 65% pour les hommes. Oh. Donc, mais là, on est à 110%. Oui, mais c'est ça, mais je sais. Ah, il y a des androgynes, il y a comme Micheline à compte là-dedans. C'est les bébés éprouvettes. Écoute, c'est les chiffres. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. On sait qu'il y a une crosse, on sait pas où. Ouais, celle qui est le cabaret Mado, elle est d'un gars, d'un fille. D'un deux. Donc, le revenu des femmes en pourcentage par rapport au salaire des hommes, OK? Ouais. Donc, en 1950... les femmes gagnaient 66,9% du salaire des hommes. Comment dire, si le gars gagnait 100$, la fille gagnait 66$. Exactement. Et en 2004... Pour le même travail. Là. En 2004, si l'homme gagne 100$, la femme gagne 75,20$. Ah, ça s'en vient. Ça s'approche, mais il n'y a pas eu énormément de changements là-dedans. Si on compare avec les autres statistiques, là-dessus, c'est le revenu, je pense, c'est là-dessus qu'il y a le moins évolué. Éducation. Le pourcentage des diplômés, donc un homme égale le pourcentage des femmes. Donc pour un homme qui était diplômé en 1981, un universitaire, il y avait 0,70% de femmes qui étaient diplômées. Okay. En 2006, c'est ça que tantôt on discutait, en 2006, pour un homme qui était diplômé universitaire, il y avait 1,05 pour femmes qui étaient diplômées. Donc, la tendance est inversée. Oui, la tendance est inversée, puis sa tendance a encore plus monté. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle avait 66%, tu disais, du salaire. Ouais. 66%. En quelle année? En 50? En 1980. En 1980. Mais c'est ça, comme le bas me dit, c'est parce qu'elle travaille le pourcentage moins que l'homme. Yes. Non, on parle du revenu par rapport à l'heure. C'est une blague, mais moi, je rajoute. C'est une blague. C'est ça, moi. Non, mais c'est parce que le reste du temps, elle jase. C'est chiant. Mais c'est vrai aussi, à quelque part. Par bout, je peux te le dire, moi. Fait qu'elle fait 66% du salaire parce que le 24% de reste, ouais, à jase. C'est bon, le bar. Un petit Pietre Yvon. Donc, une autre statistique intéressante, oui, les députés. En 1962, il y avait une femme sur 95 députés qui égalait donc 1,1% des députés en tout. Ouais. Et une femme pour 19 ministres, ce qui égalait 53% de ça, tout. Par contre, je vais mettre un bémol 5,3%, excuse-moi, pas 53. L'histoire avec ça, c'est pas mieux non plus de mettre des femmes juste pour mettre des femmes dans des postes, comme Jean Charest a fait dans son dernier Christie, il a dit c'est un cabinet exemplaire et historique parce qu'il y a la moitié que c'est des femmes, mais là-dessus il y en a moitié de ces femmes-là qui sont incompétentes, puis ils ont mis juste pour bien paraître. Faudrait pas tomber dans l'autre, dans cet extrême-là non plus. Ben justement, alors, en 2007, il y a 33 femmes sur 125 députés à l'Assemblée nationale pour 26,4% des députés et 9 sur 19 ministres pour 47,4%. Ben, il y a beaucoup de poteaux là-dedans. Oui, voilà. Donc, c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? En terminant là-dessus, dans les pays qui sont exemplaires en termes de statut de la femme, ça reste toujours les mêmes. Verdun. Oui. Quel beau pays, Verdun. Donc, la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark, sont les plus... Les noms, on entend souvent. Oui, sont les plus, je dirais... Avant-gardistes. Les plus avant-gardistes envers les droits des femmes, et ça depuis longtemps. Là-bas, ça dépasse 40% dans des postes importants attribués aux femmes. Que ce soit dans du côté parlementaire ou du côté monétaire, économique, les rôles importants sont aussi bien distribués. En fait, c'est la compétence qui prime. Puis aussi, il faut voir, dépendamment de la nature des emplois aussi, moi, regarde, je suis plus à l'aise avec une majorité de femmes dans le domaine de la garderie, par exemple, comparé à une majorité d'hommes dans le domaine des pompiers. Tu sais, c'est des affaires de même aussi qu'il faut voir. Oui, l'égalité, mais il y a certaines logiques aussi de la nature humaine ou de la nature qu'il faut pas non plus dénigrer. C'est que les femmes ont une proximité avec les enfants, puis ça va tout le temps demeurer parce que c'est eux qui enfantent. C'est sûr qu'ils vont tout le temps être un peu meilleurs dans ce domaine-là que les hommes. Un homme qui veut travailler ou qui va aller étudier en technique de service de garde, il est mal vu tout de suite, là, juste parce que lui, il va aller étudier là. Oh non, lui, il va abuser. Ah, lui, c'est un pédophile. Tout de suite, là. C'est ça. Il y en a qui vont pour les bonnes raisons, mais c'est vrai que des fois, c'est moins naturel. Ça existe encore du monde gentil. Tu sais, qui veut étudier en mécanique, même affaire. Oui, c'est une butch. C'est une butch. Mais non, mais c'est... Écoute, c'est 97% des filles qui disent en mécanique sont butch. Il y en a quand même. Ben non, c'est des farces, Check, mesdames, juste terminer en disant, mesdames, profitez de cet anniversaire. De moi. Et j'espère juste qu'un jour, on va laisser tomber ces espèces de fêtes futiles, de fêtes des femmes, fêtes des gays, fêtes des enfants, fêtes des pères, fêtes des mères, fêtes de ci, fêtes de ça. On va-tu faire genre une journée, la fête de l'homme, où on va juste respecter, aimer son prochain, son voisin, simplement. La différence, je sais que c'est totalement utopique, même si ça dure juste une journée, câlisse. Même si ça sera déjà ça sera déjà au moins une journée tu sais, qu'on va avoir fait un pas dans la bonne direction. La fête de l'égalité homme-femme. Mais la fête de l'humanité, tu sais. Des droits humains, tout simplement. Tu sais, juste la fête de l'humanité, tu sais. Hey, crime, on est vivant, c'est boire. La fête de la fête. On fête qu'on fête. Ouais, c'est ça. C'est comme le commentateur qui commente le commentateur. Ben oui. Avec tous les fléaux qui nous affligent, on devrait juste se contenter chanceux d'être en vie. Puis de pas, nous, pour notre part ici, au Canada, au Québec, de vivre, rester dans un système qui nous réprime pas, autant que d'autres systèmes, puis on est capable de s'exprimer, puis on est en vie. Comment on pourrait juste fêter ça? Ouais, c'est là-dessus, je t'en rejoins. Mais c'est parce que, c'est ça, je trouve que le débat féministe commence à devenir de plus en plus stérile. Ouais. J'ai peur que le débat féministe, une fois qu'on va avoir atteint l'égalité, ça devienne qu'ils vont vouloir se battre pour pouvoir porter la barbe. Ah. Là, ça sera plus, J'ai un bémol, moi. Ça va être un bémol, quelque chose qu'il va falloir mettre au clair avec Et aussi, une autre affaire, c'est qu'à force d'en parler trop, ça va faire la même histoire que les changements climatiques. Là. Garde, on l'a en hostie cette semaine encore. On l'a dans la face. À force de se le faire dire là, puis de se faire compter de la bullshit, on devient insensible à ça. Moi, personnellement, en tout cas, je commence à en avoir mon hostie de casse d'entendre parler de ça. Pourquoi? Parce que tout le monde en parle, à toutes les sauces, tout croche, puis à un moment donné, tu te dis, c'est tout de la merde, ça. Ben, c'est ça qui va arriver. C'est la même affaire avec l'histoire des homosexuels. À force de vouloir peser puis peser là-dessus, ils vont perdre leur pertinence. Puis les femmes, ben, ça peut arriver aussi. Ouais. Donc, allez-y, mais avec modération, c'est tout le temps mieux. Hey, Gilles Duceppe, cette semaine, il a fêté la fête des femmes bien comme faut. Oui, il était en chambre avec José Werner. En robe de chambre? Non, même pas. Ah. Il était là, puis il a parlé de José Werner. En fait, il l'a traité de maudite hostie niaiseuse. Oui. Je pense qu'on a ça dans la canne. L'honorable ministre. Monsieur le Président, encore une fois, cette mesure n'est pas nouvelle. Les partis d'opposition, y compris le député du Bloc, auraient eu l'occasion de poser des questions à ce sujet. Mais je présume que c'est comme dans l'habitude du Bloc, Monsieur le Président. Ils ont voté sans même lire le projet de loi. L'honorable député de Montmagny, le camarade la ministre des Finances du Québec, c'est maudite niaiseuse, la petite niaiseuse. Il l'a dit 2-3 fois, donc on voit que c'est bien facile de déraper. Il est pas amer du tout. Il est serein, cet homme-là. Serein. Ouais. Un vrai petit oiseau qui fait coui-coui. Je vous rappelle que ça, c'est un des politiciens qui prônait la fermeture de choix pour ses propos vulgaires. Ben ouais. Maudite niaiseuse. C'est incroyable. C'est déjà l'heure de la fosse. Ben quasiment, une petite entraque, même pas musicale. Un petit intermède de souvenir de CIBL, une petite page. Notre docteur sexo, celle-là qui... s'ajoute dans la sauce pis ça, là. Ah non, ça n'est pas un autre. Notre spécialiste de la sexologie. De Britney Spears, toi, tu vois. Ah, on pourrait aller chercher aussi. On pourrait faire un combo à l'honneur de Guillaume. Mais pas moi, là. Non, pas lui. Pas moi, là. Un autre Guillaume qui a été bloqué par le CRTC. Ouais, disons que lui, il est banni, là. Ouais, ils l'ont kické out. Disons que, dernière nouvelle, sa langue avait été coupée et repoussée. Ça va bien éclosé notre bloc, c'est la journée de la femme, ça, c'est clair. Ouais. Ça va être son grain de sel, hein. Puis, je répète, là, ce Guillaume n'a rien à voir avec moi, non. Là. Mais absolument rien, là. C'est pas moi, là. Non, c'est pas lui. Non. C'est pas des jokes. Il y a 20 ans de ça, là. Ah. Quand il y avait les trucs comme Beau Dommage, Harmonium, pis tout, il y avait tous eux autres une certaine revendication. Dans les années 60, il y avait une revendication aussi avec le rock. Puis dans les années 90, t'as Grimmskong qui arrive, puis Let's Go, revendication pour le pot. Mais aujourd'hui, tu sais, le monde se fie sur quoi, dans le fond, tu sais? Revendication de quoi? Tu sais, quand t'écoutes Britney Spears, t'as envie de chialer contre quoi? Contre rien. T'as envie de ressembler à une pute puis de dire que tu baises avec personne. Triste d'hypocrite, de chienne, de tabarnak. Je suis désolé, là, de mon langage vulgaire. Ça, c'était vraiment le bout le plus intense de vulgarisation de la radio. Le sexe, c'est tabou, c'est caca, là, tu sais. Les histoires que je me fais raconter à l'université, là, les profs là, qui reçoivent des élèves dans leur classe là, puis dans leur bureau, qui échappent un crayon en plein milieu de leur boule, puis que je dis écoute là, ça commence à être assez ridicule là, tu sais, ça pour obtenir des avantages. Je vous jure qu'il y en a qui, en tout cas, moi je nomme personne. Non. Pour vrai là, ça c'est vraiment arrivé là. Ah, ouais, la fille a fait des petits brefs avec son crayon, ses boules pour que le directeur ou je sais pas qui vienne. Des trucs de même là. Ça ou ben non, tu mets ton, les filles arrivent puis mettent leur sac d'école, vu que des fois les bureaux sont petits ou ils sont dans un coin, ils mettent leur sac d'école entre les jambes du prof qui est en train de se parler, puis à un moment donné, elle se rend compte qu'elle a malencontreusement oublié quelque chose dans son sac, puis là, elle se penche, puis elle est à peu près à 2 pouces de la fourche du prof, puis le prof il est comme écoute, là, arrête de niaiser là, je veux dire. Ouais, c'est ça, tu sais. Ils sont pas tous de même, il y en a qui ferment la porte pis que... Ouais, c'est ça. Blow job. Blow. Job. Il y en a qui ferment la porte pis 3 petits points. Ouais. Et c'est à l'imaginaire. Le reste, c'est trop kinky. Bon, ben c'est l'heure de la fosse que vous attendiez, yeah. Cette spéciale justement de la journée de la femme. On est allé chercher trois ladies. Oh. Des grandes dames, évidemment. La cause, non? Non, pas la cause. Ah, on la réclame. La cause, ouais, je sais. Elle est en break cette semaine. Okay. Elle est partie fêter la journée de la femme. Ben oui, c'est clair. Elle est coincée dans le banc de neige. Elle a glissé, puis elle est plus capable de se lever. Elle a une tortue sur le dos. Là, toutes les... là, toutes les towings sont pris. Fait que, écoute, oublie ça, la cause. Fallait chercher à la grue, là, aussi. Donc, ce soir, un petit triplé. Le premier est facile en crise. C'est celui-là, ici. Tout le monde la connaît. On parlait d'une anglophone qui a appris le français sur un crise de temps. Attends, c'est... Quand qu'elle commence son petit refrain, là... c'est du bon rock. C'est-tu Nanette? Oh! Call girl! Call girl! Call girl! Très chanson très sexiste, qui avait fait beaucoup de mousse à l'époque. Ouais. Il y a bien du monde, des femmes, entre autres, des mouvements féministes, qui s'étaient levés contre cette chanson de Call Girl, qui expliquait l'histoire d'une chanteuse pute, finalement. C'est une Call Girl, là. On se cachera pas que ça fait des pites pour pas cher. Puis il y a Mitsu qui avait fait aussi soulever la foule avec son vidéo cochon. Oui, un avec une tête tout nue, là. Ouais. Ça m'avait maudit pas soulevé. Mais ça avait, écoute, même des curés. J'ai acheté la chaise 220$ sur eBay. Non, ouais, c'est toi qui l'as, cette chaise. C'est vrai. Non, mais c'est ça. Donc, c'était Nanette, évidemment. C'est une madame, une grande dame. Elle, on peut dire qu'elle a fait tout éteint. Et Christy, elle continue, je pense qu'elle est pas mal proactive. Elle. Ouais, ben tu sais, avec l'argent. Hein. Oh, c'est un autre classique, celle-là. Écoute, je l'ai mis dans la fosse, elle vient une fois de temps en temps, mais c'est parce que Belgazou, elle a une belle carrière. Puis encore là, c'est une femme décidée, c'est une femme qui a démoli des frontières. Qui a foncé dans le top. Ça s'est fait démolir en même temps qu'elle a démolissé les frontières. Ah oui, c'est là. Ça, là. C'est pour ça, elle s'est battue pour ses droits. C'était du donnant-donnant, là. Hein? C'était, je te défonce la frontière, je te défonce les tympans, puis nous, on démolit la réputation. C'était ça s'est fait régulièrement. Oh, ouais, puis ça, regarde, il a fallu qu'elle a laissé son nom d'artiste dans la bataille aussi. Pas pour rien qu'elle a pris son vrai nom. Ah ouais, revenu Diane Guérin. Ça me semble qu'elle l'avait vu venir de loin, cette histoire-là. Là. Non, on parle de Rocky Belles Oreilles souvent, du CRBO. C'est un exemple de Rocky Belles Oreilles qui montre comment c'est facile, là, c'est jouable de faire détruire une carrière à force de rire du monde. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans le cas de Belgazou, qui, faut dire qu'elle n'a pas un grand, grand talent non plus. Hein. All right. Ouais, grosse voix FM, all right, let's talk. Non, ça c'est sûr que ça fait tout le temps saigner les oreilles quand on l'écoute trop souvent. Fait que là, je vais vous envoyer sa troisième, qui est quand même le plus gros morceau de la soirée. Oui. Celle-là, je donne pas trop d'indices. Pat, il sait, ouais. il va faire comme s'il savait pas. Oui, je sais pas, je sais rien. Moi. C'est un gros hit. Mais Julie Simard, non, c'est pas Julie Simard. C'est pas non plus Adjadi, l'actrice. L'avion va se poser. Oh! Oh oui! Ok, oui. Attends un peu. Pour nos chers auditeurs, pour vous mettre un peu dans le contexte, l'histoire a été écrite par Luc Plamondon. Ça raconte l'histoire d'une grosse madame qui s'en va dans le sud, qui se fait pogner les fesses par un petit portoricain. Jean Lacouze. Elle vit une saison torride d'amour dans le sud pendant une semaine. Chaud et humide. Et elle se rend compte à son retour qu'elle s'est fait tout ramasser son cash par le petit portoricain, puis qu'il avait conté des belles histoires, mais que dans le fond, la grosse torche, il s'en fout. C'est fait pas en amour, elle. La grosse torche s'est faite torcher. Et la grosse madame, de retour à Montréal, elle essaye de revenir sur Terre, puis... Là, elle débosse parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'est fait fourrer. Là. Dans tous les sens. C'est la grosse Gigi. Gigi. Tu savais-tu, c'est qui? Ben là, ouais, hein. Ça y est, qu'elle qui tient des... comme ça. Ah non, écoute, ça joue ça le pire. C'est mauvais. Ça joue encore, hein? Tu penses? Ok, oui. À part ici, là. Non, je te le dis, man, ça joue encore. C'est tout CFGL, là, t'as des bonnes chances de tomber dessus. Là. Arrête. T'as le dit. Ah, ouais. Chez FM Rock Matin. On est bien, hein, quand on écoute pas ce... C'est sûr que ça joue. Guillaume, il la connaît. D'après moi, il y a l'album quelque part. Ah ouais. CFGL, ça joue tout le temps à la maison. Ah ouais. Écoute, on écoute un petit bout quand même. Ah oui. Oh, c'est le bridge. Moi, le musicien que j'aime bien là, dans cette tune-là, c'est celui qui joue de la distorsion de MP3. Ah ouais? Cœur, hein. J'ai sa note. Sur terre. Oh, le petit bout. Ça, c'est le petit bout de Space. Ça fait Pink Floyd, hein, mais en spécial. Ah, pas de gamme. Il n'y a pas de gamme. Non, il l'avait-tu drogué? Je pense que oui. Ben, Luc Plamondon, là... Lui, il a tout le temps juste écrit des paroles. Il a jamais écrit de chansons. Hein. C'est juste les paroles qu'il écrivait. Hein. Fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est coupable pour ça. Là. Je sais pas c'est qui, remarque. C'est probablement dans l'entourage de Gigi. Là. Elle s'est fait mal, évidemment. Ça, c'est sûrement bon, en remontant, voyons, en descendant sur terre. À débouler. Là, là, ça y a fait mal. Elle a dit « Je déboule dans les rues de Montréal ». Ça, c'est la fois qu'on avait atteint 5.5 à l'échelle de Richter. Ouais. Tu sais que tout avait tombé dans oui, au mois de novembre. Oui, on s'en rappelle tout. Hein? 95, je pense. Pas sûr. Oh. Un petit tsunami à Trois-Rivières. Ouais. C'est déjà quelque chose. Hein? Ah non, regarde, c'est un hit. Ça, c'est une grosse dame, la chanson québécoise. Ah, oh, j'ai-tu dit de grosse dame, j'ai dit. Grosse, hein? Oh, oui. Hey, grosse, hein? OK, mais honnêtement, là, OK, vous irez voir, allez sur archambault.ca. Ouais. Qui est tapé Ginette Renault, OK? Ouais. Là, c'est voir, ça va mal, là. Allez voir, c'est, là, c'est moins épais depuis quelques temps, là. Ouais. Mais allez voir ses vieux albums, ses pochettes. Non. Okay. Je dis. Bon, tu sais, comme François Pérus, étais-tu tout seul dans le département de marketing quand elle a décidé de sa pochette? Ça, c'est, mais ça, j'ai aucune pochette. Il y en a au moins trois qu'elle a la gueule grande ouverte, pis comme, elle tient le micro comme si c'était un hot dog. Tu sais, c'est comme... Ben oui, non, c'est sûr, hot dog ou d'autres choses, Il y en a une qui lui ont mis, genre, une espèce de manteau de fourreux vraiment laid parce que c'est un disque de Noël. Je suppose qu'il devait faire fret en studio, tu sais. Oui, elle a fait tout les temps. Hey, c'était, écoute, là. Elles ont toutes faites, c'est dégueulasse. Elle s'est pas remis, par exemple, de ce tune-là après ça, là. Ça a été plus tard. C'était la débarque. Moi, je pense qu'elle l'a vécu pour vrai, cette histoire-là. D'aller dans le sud, se faire ramasser par un petit portoricain. Son petit pesquino, là. Ben, c'est ça, c'est la même histoire. Puis elle est revenue ici, t'as plus d'argent dans le compte, les cartes de crédit volées. Garde, asti, tu t'es fait fourrer, ma grosse. Tu t'es fait fourrer. C'est pas drôle. Non, mais dans l'histoire, là, c'est pas... Non, c'est pas elle. Non, non, c'est inspiré de quelqu'un, oh, là. Oh, ouais. Ben moi, attends, on va aller vers la fin, là. Ça va justement finir l'émission là-dessus, là. Elle commence... Ah, mais c'est ça? Un peu, hein. Ah, ça part, là. Une chanson d'elle, là, c'est « Moi, je mange ». Ouais, Angèle Arsenault. Oh. Un deep throat. Je pense que ça a l'air... Ça avait l'air d'y piquer un petit peu, hein? Ah ouais, vas-y, t'es capable. Point G. Oh, on vous laisse là-dessus, je pense. Hein? Je pense qu'on peut pas manquer notre sortie avec ça. Donc, une grosse semaine, hein? Une bonne semaine à tout le monde. On va se revoir vendredi prochain. Merci à nos auditeurs, aussi à nos diffuseurs Tactical FM en podcasting, mais aussi Radiosphère.ca, ainsi que XL Tracks en français et Franco Radio. Merci beaucoup, les boys, d'être venus une fois de plus. Ça fait plaisir, man. Dans la flaube. Et bonne semaine à tous, hein, Pat? Bonne semaine aussi. Ah oui, on recommence l'école. Puis Pat, c'est pas grave, là, si t'as pas gagné, c'est une passée. Non, c'est pas grave, on a passé proche. Ah oui, tu vas faire des gros échanges, là, puis tu vas aller préparer un club solide. Ça manquait de robustesse, puis il aurait fallu que ça prenait un joueur pour jeter les gants. C'est ça. Manquez pas le Bum qui nous suit. Yeah, le Bob-Bum. Rediffusion son show et son live maintenant tous les dimanches soirs directement du serveur du Bum. Allez sur sa page, lebumintello à blogspot.com, .blogspot.com. Vous allez être capable de vous brancher. Alors, bonne semaine à tous. Yes. Vendredi prochain pour un autre trip. Right. Ciao. Bye-bye. Salut, Gigi. Ciao. Bon, mais les étoiles ce soir. Je sais pas. Guillaume, ça a été excellent, extraordinaire. Daniel. Aïe, je suis pas certain. Patrick, que je vous dise. C'est un des meilleurs. Toujours un plaisir. Au revoir. TacticalGM.com. Dénoncez la désinfo. À mon nouveau show, vous allez rire. Vous allez être ému aussi. Et je pense que vous allez être surpris. Mais d'abord et avant tout, vous allez rire.